bonsoir, hein, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, je crois que le micro était pas branché. Voilà, ça commence bien déjà. Le temps de se mettre en place, on a écouté un petit peu de musique. C'est l'émission numéro 497 aujourd'hui. Nous sommes le 11 février. On a écouté depuis le début de l'émission Max de Giovanni qui était chez nous il y a quelques semaines. Juste après, le morceau de Max, c'était justement une dernière fois. Hein, c'était la dernière fois qu'il est passé. Mais il reviendra dans les studios. Hein. Il était venu de Bayonne, je vous le rappelle. Et on avait passé un superbe moment, une grande découverte, un superbe artiste. Et puis on vient d'écouter un morceau. Donc ça a été suivi d'un autre groupe qui vient aussi du sud-ouest de la France, puisque c'est le groupe Ivar, un groupe de Bordeaux avec un titre qui s'appelle Oh Marianne. Et donc c'est la première diffusion de ces artistes, puisque c'est un groupe. Et régulièrement on va vous faire découvrir un petit peu ce groupe-là. Et puis un jour peut-être une intervention ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ou alors au pire on fera un petit phoneur et puis on les fera participer aussi à cette émission. Le morceau s'appelait Oh Marianne, et puis c'est la première fois que vous l'écoutez, j'espère que ça vous a plu. Juste après le morceau électronique instrumental qu'on vient d'écouter juste à l'instant, c'est La Nuit d'Avant, et c'est interprété par un groupe qui s'appelle Roraima. Voilà, alors Roraima justement, pourquoi je voulais passer, parce que la semaine prochaine je ne sais pas encore qui va venir, voilà. Je vais y arriver quand même. La semaine prochaine, on avait prévu un artiste, mais c'est désisté au dernier moment. Donc, si jamais vous voulez passer, il est encore temps. Hein, on a encore une petite semaine pour préparer l'émission. Il n'y a pas de souci. Mais le vendredi 25, donc, ça sera le duo Trip Hop de la région orléanaise qui s'appelle Roraima, qui sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de les découvrir déjà sur scène. Cette fois-ci, je vais découvrir vraiment les personnes. On va aller jusqu'au fond de leur univers. On va tout découvrir ensemble sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel le 25 février. Alors le 28 janvier, donc c'était notre ami Max de Giovanni, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était venu ici dans les studios. Le 21 janvier, on revient un petit peu en arrière. Hein. Le 21 janvier, c'était le groupe Neutol, avec lequel on avait écouté de la très bonne musique. D'ailleurs, j'ai le CD, si on a un petit peu de temps, on va le passer tout à l'heure aussi, à au moins un morceau en tout cas. Et on avait commencé avec les artistes dans l'émission Morica. Le 14 janvier, avec Jimo. Alors il était venu accompagné de Pascal Garcia, le photographe, et on avait fait une super émission, super sympathique. En tout cas, on a découvert cet artiste-là qui nous fait ses chansons sans aucune prétention. Il est venu ici et puis franchement, ça a envoyé du bois. La semaine dernière, nous avions ici aussi des artistes en direct live. Alors c'est un groupe qui est composé de 7 personnes. Nous avons pu en recevoir que 4, c'était déjà pas mal. Hein. La prochaine fois, à la limite, peuvent tourner, hein, faire venir les autres membres une autre fois. C'était le groupe Turnoff, un groupe de ska de la région orléanaise, et on avait passé un superbe moment, et je vous invite à aller voir les photos si vous les avez pas encore vues sur le Facebook de l'émission Mavrika. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est le 11 février, on est en 2022, c'est l'émission numéro 497, on s'approche des 500, et à la limite, je sais toujours pas vous dire quel groupe sera là, quel artiste sera là pour la 500e émission. En attendant, ce soir, c'est la 497 et nous recevons Mourad. tu posais des bombes prêts à mourir pour tes idées, pour ton jeu ou pour un sommet. Voilà déjà des mois que j'ai dans la tête un dîner raffiné préparé pour nous deux. Faire de notre amour la plus belle des fêtes et se donner enfin un temps amoureux. Voilà déjà des heures que tu fais la main, j'ai fini tout le vin, j'ai l'appétit coupé. Tu finis par rentrer mais tu claques la porte sans un regard vers moi, tu files te coucher. Soyons heureux, quoi qu'il advienne. La mienne. Soyons heureux et on voit en demain. Et dans tes yeux, je serai tien. Le matin, j'appréhende le soir, tu pestes pour un rien, on attend de défaut. Ça ne doit pas être normal que je me couche tard, quand pour toi c'est banal de te lever si tôt. Ce soir on va sortir, se retrouver, c'est sûr, je pourrais mettre un short, tu ne vois que ton miroir. Tu me regardes à peine, pas un mot en voiture, jusqu'à la porte on sonne, on tite ton cœur. Bonsoir. Soyons heureux, quoi qu'il advienne. Soyons heureux et on voit en demain. Et dans tes yeux, je serai tien. Ba ba da da da da da ba da ba da ba ba da ba da ba da da da da. Attends, j'essaie. Ba da ba da ba da da da da da ba da ba da ba. Je suis rentré plus tôt, car je dois te parler, t'avouer, mon amour, que j'aimerais t'épouser. Et toi encore plus tôt, tu es déjà passé, juste pour laisser un mot, je te quitte à jamais. Soyons heureux, quoi qu'il advienne. en direct live dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Nous avons Mourad. Voilà, on vient d'écouter un premier morceau de cet artiste. Alors, je vais essayer de retrouver le micro. Voilà, le bon micro, c'est celui-là. Et maintenant, on va pouvoir parler ensemble. Ça va, Mourad ? Très très bien. Oui. Merci. Ça fait plaisir de te revoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. T'es déjà venu combien de fois ici dans les studios ? Dans l'émission, en tout cas. Ah, dans l'émission. Non, écoute, je crois que c'est la troisième. La troisième. Et ouais. Sinon, j'ai fait des petits passages aussi. Et je crois que la dernière fois que j'ai fait un passage un peu éclair, c'était pour une émission avec Mathis Poulain. D'accord. Ah bah oui, dans l'émission de Mathis. Et puis en plus, moi, j'avais contacté aussi Mathis. Je me suis dit, tiens, je reçois Mourad, si t'as envie de passer et tout ça. Il m'a dit, ouais, mais le problème, c'est qu'il est pas dans la région. Il est à Tours, exactement. Ouais, et il est avec les frères Volo. C'est ça. Il est au stage des mots d'hiver, qui est encadré par les deux frangins Volovic. Et d'ailleurs, je vais aller les voir demain soir. Du coup, je vais l'écouter s'il a bien bossé. D'accord. Et bah, de toute façon, tu nous as amené des morceaux. Bon, on écoutera sûrement un Mathis Poulain aussi. Hein. Ouais. Alors j'ai eu le CD qui doit être là dans ma valise. Hein, parce que j'ai une valise pleine de CD. Mais là, le CD là, tu l'as pas encore. Non, celui-là, je l'ai pas. Non, j'ai le précédent. Comme là, on vient d'écouter un morceau. Bah, c'est de ton précédent. Mon premier album, en fait. Le premier album. Ouais, c'est ça. Le premier vrai album. Parce qu'avant, il y avait eu un EP, c'est ça. Il y en a eu deux même. Il y en a eu même deux. Ouais. D'accord. Ouais. Alors le premier, je l'ai pas moi. Ouais, il est collecteur. Il est collecteur. Ah, ça devient rare. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué. Là, j'ai deux albums de toi que j'ai ramenés aujourd'hui parce que ils sont pas dédicacés. Donc j'ai ramené le feutre, j'ai tout ça. Ah, mais tu. Donc, okay. Faudra les dédicacer parce que ça va valoir très cher dans quelques années. Voilà. Ah, il commence très très bien cette émission. Il commence déjà par flatter l'artiste, c'est parfait. Voilà. Donc Mourad, on en parle. Donc c'est le titre de cet album et on vient d'écouter un morceau. Alors c'est vrai qu'on passe souvent les. Moi je sais que La Femme Parfaite, il y a plein de morceaux. Voilà, c'est le premier qui me revient en tête. Le temps que je mette mes lunettes pour voir les autres titres parce que j'ai pas tout. C'est vrai qu'à la première émission où j'étais venu, t'avais pas besoin de mettre les lunettes. Hein. Mais bon, je ne veux pas être désagréable. Hein. Ça vient petit à petit. Hein. C'est vrai qu'au début, c'était par confort. Et puis maintenant, il y a des fois, j'arrive pas à lire exactement. Donc voilà. D'ailleurs, t'as un titre qui s'appelle Géranticide. Hein. C'est un peu ça. Hein. Ça parle un petit peu de moi peut-être. Mais alors attends, petite anecdote quand même, c'est rigolo. Hein, parce que là, du coup, là, tu as glissé Soyons heureux. Bah, figure-toi que j'ouvre mes concerts par cette chanson aussi. Quoi. Et ben, on va ouvrir l'émission avec cette chanson-là. C'est parfait. Une superbe, super chanson, toujours avec des très belles paroles, c'est super bien enregistré. On va rappeler qui c'est qui l'a enregistré cet album. C'est Alex. Alex, ouais. Alors vous connaissez Tomia, vous connaissez pas Tomia, vous connaissez The Patient, vous connaissez pas The Patient, vous connaissez Evo. Ah, et vous, ça arrive. D'ailleurs, et vous, ça arrive. J'ai emmené ça dans ma besace pour ce soir aussi. Ouais, et effectivement, dans l'émission Mavrika, ça fait déjà plusieurs fois que je crois au moins deux fois que je diffuse. J'ai découvert par hasard, je suis tombé sur le clip, je lui dis, tiens, mais je l'ai clip du reste. C'est Alexis. Ouais. Alexis qui fait ce morceau-là. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai écouté, j'ai dit, waouh. C'est comme tout ce qu'il fait. Hein. Moi, franchement, je trouve qu'il a vraiment un style à lui, et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever. Car il a vraiment ce son et puis cette manière d'interpréter les morceaux avec plein d'émotions. Et moi, je l'ai déjà diffusé deux fois. Et toi, tu m'as dit, voilà, je t'amène un morceau, et je dis ouais. Evo, le nouveau projet. Donc, on en a déjà parlé un petit peu entre nous. Donc, on va prendre le temps d'écouter ça. Et tu nous as amené aussi pas mal de musique sur une clé USB. Donc, je pense qu'on aura le temps d'écouter tout ça. Et puis tu as apporté aussi ta guitare. Oui, ah bah oui. Oui, élément incontournable. Partout où tu vas, tu l'emmènes. Non, peut-être pas non plus, mais voilà, je sais que ici il y a la place, mais pas que dans les locaux, il y a aussi la place justement pour pouvoir jouer. Donc c'est cool. J'ai emmené ma guitare et puis ça va être l'occasion de pouvoir jouer peut-être des titres qui ne sont pas encore enregistrés. Si tu vois d'accord. Ce que je veux dire. Ok, des exclusivités mondiales. Non, peut-être pas, mais en fait, parce que là, c'est aussi la bonne occasion de parler de cet album qui est en préparation, voilà. Qui a un financement participatif en cours et qui devrait voir le jour à la rentrée septembre. Et donc, les chansons que j'ai choisi de jouer ce soir, c'est des chansons qui seront justement sur ce prochain album. D'accord. Et en plus, tu m'avais parlé aussi qu'il y aurait des duos, des gens qui ont participé à ton, exactement, à ton prochain album. Donc, exactement. Voilà. Donc, ce soir, ben, pour ceux qui connaissent pas encore Mourad, ben, c'est l'occasion de le découvrir. Pour ceux qui le connaissent, c'est l'occasion de voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Parce que dernièrement, tu as été un petit peu impacté par ce qui s'est passé avec le Covid, tout ça, non? Alors, qui n'a pas été impacté? Alors, téléphonez-nous, pour nous dire. Ouais. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Au niveau, c'est vrai que le fait de sortir, eh ben aujourd'hui, il paraît qu'il y a le syndrome de la cabane, c'est-à-dire que les gens sont tellement habitués à ne plus sortir qu'aujourd'hui, ça devient difficile. Oui. Et bon, il va falloir faire un petit effort parce que bon, le printemps arrive, les concerts commencent à revenir aussi. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas grand-chose, et là, je commence à partager pas mal de choses aussi. Alors, attention, l'émission Mavrika, vous savez qu'il y a une page qui s'appelle l'agenda de Mavrika. Alors, cette page-là, je ne sais plus pour quelle raison, je ne peux plus rien partager dessus, je suis désolé. Ah. Donc, j'en ai ouvert une deuxième qui s'appelle le nouvel agenda de Mavrika. On va pas, faut pas se laisser abattre. Hein. Quand il y a un truc qui marche pas, on en fait un autre. Donc, si vous pouvez aller faire un tour, il commence à y avoir un petit peu de l'actualité. Donc, le nouvel agenda de Mavrika, au fur et à mesure. Alors, si vous êtes artiste, vous pouvez poster directement dessus. Moi, j'ai un œil dessus, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai créé. J'ai un œil dessus. Si vraiment il y a des choses qui n'ont rien à voir, je me donne le droit d'enlever. Mais sinon, c'est ouvert. Vous pouvez publier comme vous voulez. Super. Hein, à partir du moment où ça respecte le truc. Hein. C'est vraiment pour faire la promotion des artistes et c'est le plus important dans l'émission Mavrika. Ça, c'est le rôle qu'on s'est donné depuis 11 ans déjà. Bientôt 12 ans, hein, au mois de juin. Donc l'émission Mavrika est bientôt la 500e aussi. Hein. Oui, j'ai entendu ça tout à l'heure. Wow, ouais, ça. Théoriquement, si j'ai un artiste la semaine prochaine, ça sera dans 15 jours. Si j'en ai pas, ben ça sera dans 15 jours quand même parce que je donne quand même un numéro. Donc ouais, finalement, mais je ouais, donc ça peut être soit celui de la 500e, ça sera forcément Roraima. Je suis en train de remettre tout ça dans la tête. Donc le groupe Roraima, c'est la première fois qu'il passe dans l'émission. J'espère que le chiffre 500 va leur porter bonheur. Et puis j'espère qu'ils prendront aussi conscience. Hein. Faut carrément pouvoir profiter de cet honneur finalement, de pouvoir être à ton micro pour la 500e. Alors beaucoup de gens m'ont dit ouais pour la 500e, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Alors dans l'émission c'est un peu compliqué. Hein. Vous savez que on peut pas recevoir le nombre de personnes qu'on voudrait dans le studio. On est obligé de respecter les voisins, on est obligé de respecter aussi le studio et tout ça. Hein. Et gérer une émission avec beaucoup de monde c'est pas toujours évident. Donc ce qu'on va faire, on va laisser passer un petit peu. Et vous inquiétez pas, dès qu'on pourra reprendre les Mavrika Live, ben ça sera l'occasion de faire le numéro 12 qu'on a annulé juste avant le Covid et peut-être fêter au même temps la 500e. Ouais, voilà, super. C'est une belle idée, ça. Une belle idée. Donc, pour l'instant, on est encore en stand-by. On attend un peu que ça s'arrange et puis on vous tient au courant de toute façon pour l'avancement de la situation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va écouter un petit morceau. Alors, tout à l'heure, on a parlé justement de notre ami Alexis. On écoute le petit morceau là que j'ai plaisir. Utilisé. Un instant. Donc, le morceau s'appelle Un instant et c'est le nouveau projet. Alors la particularité de ce projet, c'est qu'il chante en français. Oui. Eh oui. Et c'est vrai que on pourrait limite croire quand même que c'est à force de bosser sur de la chanson française qu'il a franchi le cap justement d'écrire en français. Non, mais blague à part, en fait, ça fait un petit moment que ça lui trottait en tête et là voilà, il s'y essaye, il se lance et les premiers retours, me disait-il encore lundi dernier, sont encourageant, c'est cool. Je suis content pour lui. Ouais, c'est super parce que moi, il m'a pas prévenu. Hein, donc, mais je sais que de toute façon, je vais être il obligé. Il m'a pas prévenu. Il m'a pas appelé. Non, parce que des fois, on me dit tiens, on sort un truc, etc. Donc, je suis un petit peu au courant de ce qui se passe. Mais là, non, je suis tombé dessus comme ça. Bon, forcément, comme je suis les artistes, je reçois aussi les actualités par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et je suis tombé sur ce clip-là et puis je dis waouh. Et je dis, oh, ah, c'est bon, bah, ça, c'est du Alexis tout craché, hein, parce que on le connaît depuis Tomia. Ouais. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est la puissance. Et il a aussi cette manière de. Ça, c'est vraiment une particularité, aussi bien avec Tomia qu'avec The Patient ou avec le nouveau projet d'Evo, c'est la puissance dans le son. Et le silence, il arrive à jouer avec les deux. C'est un truc que moi, que je trouve phénoménal. Parce que des groupes qui jouent fort, il y en a. C'est joliment dit, ça. Mais alors là, jouer avec le silence, c'est quelque chose. Parce que lui, ça se calme. Et ça revient et boum. Et c'est quelque chose de formidable que j'adore dans son style. En tout cas, s'il nous écoute, eh ben, on lui fait un gros bisou. Hein. Et puis, en tout cas, quand tu veux, Alexis, tu viens dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. En attendant, on va écouter ton morceau qui s'appelle L'Instant. Un instant, ouais. Un instant, et c'est le projet Evo. autant te prévenir. Plutôt que de te voir souffrir de ces parfums que l'on s'enivre, qui sont si agréables à vivre. Car je la vois se rapprocher, prends garde, je te vois chavirer. Et je sais bien de quoi je parle, j'ai déjà goûté au dédale. Car aux mentes religieuses, elles sont mystiques par leur technique. Elles ont besoin de nous séduire et nous jeter sans les signes. C'est une espèce qui nous fascine, nous les hommes, quand elle se dandine sous nos yeux ébahis et fous. On ne voit plus les garde-fous. Ses ongles s'enfonçant sur ta peau, toi la proie guidée par la peau. Il tombe sur serre, il est trop tard, nous te cueillerons sur un brancard. Elles sont mystiques par leur technique. Elles ont besoin de nous séduire et nous jeter sans les signes. Suis la menthe religieuse, elle est mystique par sa technique. Elle a besoin de te séduire et elle te jettera son air cynique. Voilà, donc on a écouté Evo, le nouveau projet d'Alexis, avec un morceau qui s'appelle Un instant. Et juste après, on a écouté une chanson. Alors, c'était dans l'émission numéro 189. Alors, j'ai arrêté le lecteur. C'est pas bien grave, hein. Émission 189. Ça me gênait. Et je voulais lire en même temps sur l'ordinateur. Donc, c'est pas bien grave. J'ai retrouvé les photos à l'époque. Donc, c'était, j'essaie de trouver aussi la date. Voilà. Donc c'était en 2014, le 9 mai 2014, et l'enregistrement qu'on vient d'entendre a été réalisé à l'occasion de cette émission. C'était toi qui étais venu, donc émission numéro 189, et tu étais venu accompagné de plein de bonnes belles personnes. Alors il y a Fanou, il y a François, il y a le regretté Didier, ouais. Voilà qui nous manque toujours autant. Et puis toi, donc avec je vois les différentes photos. T'as pas pris une ride, hein? Non, j'ai perdu des cheveux. Oh, encore, non, ça va encore. Hein. Un petit peu, peut-être. Voilà, moi, c'est pas, ils ont blanchi un peu plus. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai perdu des cheveux, j'ai perdu des joues aussi, un petit peu, dis donc, quand même. Ouais, bah, tu sais, on change, hein, on change, tiens. Ah, il y avait aussi notre ami David McLean. Eh oui. Et on avait posé avec une photo où c'était la photo justement du premier EP, quoi, le deuxième. Hein, c'est ça. Le deuxième. C'est ça. Ouais. Après la pluie, c'est ça. Ouais, exactement. De tête, tu vois, je fais tout ça de Bravo. Tête. Donc voilà, on a, les photos, ça reste. Et puis des albums, il y en a un paquet. Alors vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrika, vous allez dans photos, vous allez dans albums et vous remontez le temps. Alors on a tellement remonté parce qu'on a quand même plus de 11 ans d'émission. Et effectivement, au bout d'un moment, boum, la page s'était bloquée parce qu'on demandait sûrement trop de mémoire, on sollicitait un peu trop l'ordinateur et le Facebook. Donc il a fallu réactualiser. On a fini par tomber dessus. Ah bah il y avait du monde là. Là je regarde, là on était au complet. Ah ouais. Il y avait même une autre personne qu'on a oublié. On a parlé de David McLean. Il y a Mousse qui était passé. Il y a Mousse aussi qui était là. Voilà. Donc les émissions de Marika tous les vendredis soirs. Alors ce soir c'est Mourad qui est ici. Il va nous parler un petit peu de tout ce qu'il a fait depuis 2014. Wow. 2014. Non, tu es revenu après. On pourra revenir aussi sur l'émission d'après. On peut tout retrouver. Hein. On garde tout nous dans l'émission. Donc depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc il y a eu le confinement. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement? Alors déjà les concerts c'était peut-être un petit peu moins souvent. J'ai eu cette petite alternative. C'était une autre façon de travailler finalement. Je me suis un petit peu plus mis au Facebook Live. Oui, effectivement. Alors j'en avais déjà un petit peu fait, mais là du coup je l'ai fait de façon régulière, c'est-à-dire que toutes les semaines à la même heure pendant les confinements. Mmh. Et je précise bien que c'est pendant les confinements. À partir du moment où il y a eu les levées des confinements, j'ai arrêté les Facebook Live. Je préférais laisser la place à du vrai live, à laisser l'opportunité en fait aux gens d'aller plutôt me voir, plutôt que de se dire oh bah plutôt que de sortir en fait je vais attendre jeudi prochain 19h parce qu'il y a Mourad. et j'avais un format en fait toutes les semaines c'était minimum 3 titres. Où je proposais un titre de l'album On en parle, un vieux titre, entre guillemets, hein, et puis une reprise, et sur lesquelles les gens, d'une semaine à l'autre, en fait, me balançaient des propositions, et puis je piochais dedans. Et j'ai eu des chouettes retours, parce que c'était un petit moment partagé, c'était. Mais même pour moi, si tu veux, tu vois, c'était un moment où il y avait vraiment une petite interaction. Et c'était vraiment chouette. Ça m'a aussi laissé l'opportunité d'avoir finalement un nouveau public, parce que c'est l'effet des réseaux sociaux aussi. Je pense au blog musical Les Musiques Reliques de Céline et Chloé, d'ailleurs qui ont commenté là ce soir là en disant que il y a un des groupes là le groupe bordelais que tu as diffusé tout au début de l'émission. Eh bien elles ont chroniqué aussi. Enfin il y a eu un article. D'accord. Voilà parce qu'elles sont de Bordeaux. Elles m'ont découvert via les réseaux sociaux, via le bouche à oreille aussi, bouche à oreille d'ailleurs Vince Terranova, on en reparlera certainement un petit peu plus tard. Oui, parce qu'il y a, on va en parler un petit peu aussi. Et puis, ce que j'ai fait pendant le confinement. Après, je me suis aussi amusé avec Mathis. On a écrit un morceau à distance qu'on avait diffusé sur YouTube. Voilà, qui s'appelait Ce n'est pas la fin du monde. On a écrit nos parties, tu vois, en visio. On a utilisé en fait les nouvelles technologies jusqu'au bout, jusqu'au fait d'enregistrer en fait chacun sa partie, sa vidéo, et puis après petit montage et boum, quand on s'est retrouvé en duo sans vraiment s'être retrouvé en vrai, tu vois. Ça fait même l'objet d'une petite pastille d'ailleurs sur Télématin pour la petite anecdote. Et d'accord. Je suis passé sur France 2. Avec Mathis. La classe. Franchement. Voilà. Et puis, après, tu sais, mine de rien, c'est préparer aussi un petit peu le retour. C'est maturer aussi un peu des projets. Quand je parle du retour aussi, finalement, c'est peut-être un petit peu ça. Cet album-là qui est en préparation, c'est de se dire au bout d'un moment, On en parle est sorti en décembre 2019, enfin, on va dire début 2020. Je vais pas non plus le traîner pendant encore 2 ans. Donc est-ce que c'est pas le bon moment aussi pour ressortir un truc? Et puis en fait sur la route, j'ai aussi testé des nouvelles chansons, j'ai écrit des nouvelles chansons. Aujourd'hui en les capitalisant, j'ai de quoi faire un album. Bah, allons-y quoi. En fait. D'accord. Donc voilà, effectivement, le fait qu'il y ait eu un confinement et tout ça, ça a fait réfléchir un petit peu les artistes parce que la rencontre avec le public, elle se faisait plus de la même manière. Donc effectivement, tu as fait ça. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça. Pareil pour travailler, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, okay. On peut aussi chacun travailler d'un côté. Parce que il y a eu beaucoup de groupes qui ont pas pu se rejoindre pour faire des répétitions. Mmh. Donc ils faisaient un petit peu des trucs comme ça. Ils répétaient chacun de leur côté, en enregistrant, en envoyant les choses à leurs collègues pour pouvoir continuer à évoluer. Et donc ça a permis un petit peu de changer un peu nos habitudes. Alors là, petit à petit, ça se rouvre à nouveau. Il va y avoir des concerts. Donc oui, je joue avec un sourire qui remonte jusqu'aux oreilles. Et oui, soyons optimistes, soyons confiants. Parce que effectivement, c'était un truc super. C'est un Mais c'est un peu un palliatif quand même, parce que le vrai contact avec les gens, il n'y a rien de mieux, quoi, finalement. Le vrai concert, tu es plus ce vrai concert, tu vois les gens qui sont en face de toi. Tout à fait d'accord. Après, effectivement, comme on pouvait pas travailler dans ces conditions-là, il a fallu faire autrement. Mmh. Et donc, beaucoup de gens font ça. Je sais pas si tu sais aussi, par exemple, il y a des endroits sur Orléans chez lesquels les artistes vont jouer régulièrement et les gens vont boire un coup, etc., en écoutant les artistes. Mmh. Et là, ça peut plus se faire non plus. Donc, il y en a eu certains, comme la Java Pop, qui a eu l'idée de mettre ça en ligne. Oui. Donc, on voyait les artistes comme s'ils étaient en concert. Oui. Sauf que il y avait personne en face de. Mais il y a eu quand particulier. Même... J'ai joué aussi à la Java pendant cette période de confinement et c'est vrai que c'est un peu particulier déjà de jouer dans une salle vide. Alors merci Paco de cette initiative et puis d'avoir soutenu en fait. Mais du coup c'est vrai que c'est un peu bizarre de se retrouver. Sans ces interactions, avec en fait finalement deux caméras en face de toi, et puis Paco qui t'encourage. Bah ouais. Lui c'est un passionné, c'est pareil. Ah, oui. Lui vraiment quand il invite des artistes, on voit qu'il les accueille bien. C'est quelque chose. Exactement. Ouais, moi j'ai eu l'occasion de voir pas mal d'artistes de la région et d'ailleurs qui sont passés chez lui, et à chaque fois bon. On va parler de cet endroit-là, mais on parle de tous les endroits où il se passe un peu la même chose sur Orléans. Mmh. Ça change, hein. Des fois c'est un endroit, après c'est un autre, etc. Et il y a quand même beaucoup de patrons de bars, etc., qui se donnent beaucoup de mal. Donc c'est pour ça qu'il faut les féliciter. Et puis, complètement. Voilà. Complètement. Et on sait que c'était difficile pour eux, mais leur passion a pris le dessus. Ils ont voulu quand même faire quelque chose, le partager avec les gens. Et après c'est pareil. Il y a aussi des groupes. Je suis en train de penser, par exemple, à la Jarry, qui eux, pareil, ils étaient cloués, hein. Pas possibilité d'aller faire des concerts. Donc, ils avaient fait un petit concert dans leur studio, en direct. Et un super moment de bonheur. Tu avais vu passer aussi. Ouais. Voilà, donc, quand on ne peut pas faire d'une manière, l'être humain s'adapte. Exactement, mais ce n'est pas parce qu'on s'est adapté qu'on ne peut pas après reprendre des anciennes habitudes. Il faut aller boire des coups pour aller voir des concerts. par exemple. Après, quand tu es venu dans les studios, c'est pareil, ça fait un petit moment. C'est vrai qu'on ne s'était pas rencontrés, parce qu'avant, au hasard des concerts, on arrivait à se trouver, ou alors dans les studios, mais là, dernièrement, effectivement, il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas vus. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui sont nos amis, qu'on voit assez régulièrement. Il y a aussi des personnes qui font partie des gens qu'on côtoie, sans pour autant aller les uns chez les autres, mais on se retrouve à des concerts. Sur des temps informels, en fait. Voilà. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on est content de voir, et finalement, on se connaît pas plus que ça, mais on est content de les retrouver en concert. Et dernièrement, ces gens-là, on les a perdus complètement de vue. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'avant, on discutait avec l'un, on discutait avec l'autre, et puis on fait des connaissances à force d'aller au concert. On connaît un peu les gens qui ont l'habitude d'aller au concert sur Orléans, hein. Et donc, petit à petit, et ça nous manque un petit peu aussi. Donc, j'espère que ça va revenir. Oui, ça va revenir. Ça va revenir, voilà. Il y aura un après. on vous le confirme. Il y aura un monde après. Attention, je tease pour la suite. D'accord. OK. Il y aura un monde après. OK, c'est à noter, il y a un message à mon avis. Exactement. On en parle. Bien vu. Oh là là, bravo. Ah, il y a beaucoup d'esprit ce soir. Il y a beaucoup d'esprit. voilà, donc on papote beaucoup. On a présenté aussi pas mal d'artistes parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que quand tu viens, tu parles de toi. Moi, je parle aussi de toi parce que je te connais depuis pas mal de temps. Régulièrement, je passe tes morceaux aussi. Oui, et je t'en remercie d'ailleurs. Des plus anciens, des plus... Bon, j'essaie de faire découvrir le maximum de morceaux. Il y en a toujours qui me tiennent plus à cœur que je passe un peu plus souvent. Je pense que c'est comme ça. Max, d'ailleurs, qui a mis un petit j'aime aussi sur le Facebook, n'hésitez pas à y aller, mettez un petit j'aime. Max de Giovanni, qui était notre invité il y a quelques semaines, il m'avait dit, moi, j'ai des morceaux préférés, mais choisis-toi le tien. Et c'est celui que tu diffuseras. Et c'est vrai que une dernière fois, c'est un morceau tu as écouté tout à l'heure. Et quand il l'avait interprété ici dans le studio, le fait qu'il soit là, et en plus il s'était au niveau du chant, il s'était il avait plongé dans son truc, il était vraiment dans son. Franchement, j'avais les poils qui se redressaient. La magie du direct, le spectacle vivant. La magie du direct, ça c'est formidable. Et c'est vrai que le morceau de l'album, il est très bien aussi. Mais j'ai aussi cet enregistrement qui a été fait. C'est un enregistrement spécial émission Mavrica que je diffuse aussi. Voilà, j'aime bien ces morceaux-là. Ah, c'est sûr qu'avec toutes ces années, quand même, t'as quand même quelques petites pépites et quelques petites exclus. Ouais, on a. Mine de rien, tu vois, là, dans les titres, par exemple, que tu as pu passer, ou même que j'ai déjà entendu, et puis on en parlait tout à l'heure, genre avec Fanou, quand on a repris ici, à tout moment, d'Eiffel, en fait, ou même à ton étoile, mais jamais ailleurs. Personne d'autre n'a ce genre d'enregistrement. Ah bah non. Et en plus, tu te rends compte de la chance que t'as? C'est vrai qu'on a la chance, et on a aussi la chance d'avoir sur Radio Arc-en-Ciel la possibilité de faire des bons enregistrements. Donc voilà, on a des bons micros, on a un bon studio, et voilà, on a aussi le temps, l'espace, et voilà, ça, c'est la magie de l'endroit, du moment. On a la chance de t'avoir, en fait. Ah bah merci, en tout cas, ça fait plaisir. Et c'est vrai que là, je regardais tout à l'heure, bah, beaucoup d'artistes qui sont déjà passés dans l'émission Mavrika, et pas seulement, il y en a aussi certains qui nous connaissent comme ça. Bah, là, je suis en train de regarder les gens qui ont mis des petits j'aime. Alors, effectivement, on va les remercier déjà. Il y a Philippe, du groupe Goodbye Watson, Michel Chelot, qui est la maman d'Elodie, hein, qui est venue il y a quelques temps. J'ai calé un petit morceau. Il y a Elodie aussi. Il y en a d'autres que je connais pas forcément. Tiens, Marie-Noël, c'est un groupe qui va venir dans pas longtemps dans l'émission. C'est le groupe Trans Chacal Express. Il y a Max, il y a Monsieur Alex qui à chaque fois nous met un petit j'aime, ça fait vraiment plaisir. C'est du groupe Skawax. Aurélie Neutol des Neutol, hein, qui était chez nous il y a pas longtemps. Petit Ben qui était chez nous la semaine dernière avec Turn Off. Et Julie, voilà, qui nous écoute, qui est une auditrice fidèle. Bah, ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas à mettre encore. Ah bah il y en a encore d'autres. Il y a aussi David, bah, du groupe Ivar qu'on a écouté en début d'émission de la région de Bordeaux, voilà. Et Max. Voilà, ça fait plaisir de. T'as aussi Thierry Imbert, j'ai vu passer. Là. Ouais, tu le connais, non? Ah, c'est un monsieur de la culture aussi. D'accord. Enfin, il organise. Alors, je veux pas raconter trop de bêtises, hein, mais je crois qu'entre autres, c'est lui qui a l'initiative de l'organisation de Ballon Chante. D'accord. À Ballon. Super. Voilà, à Ballon Miré. Ça fait d'autant plus plaisir de voir qu'il y a des gens passionnés par la musique. Et bien, oui. Derrière, tu vois. Hop, donc, il est juste là. Non, mais c'est chouette. Non, mais c'est cool. Et n'hésitez pas, les petits commentaires. On va profiter des réseaux sociaux. Passez-nous des coups de fil, tout ça. Ouais, vous pouvez. C'est vrai que c'est pas évident. Quand je fais l'émission. Alors, c'est ce que j'expliquais sur Radio Arc-en-Ciel. Alors, vous savez, dans les radios, normalement, vous avez un technicien qui est là. Vous avez l'animateur. Et vous avez aussi le producteur de l'émission qui prépare tout le truc et qui donne les directives à tout le monde. Il y a aussi la personne qui va chercher tous les morceaux. Hein, dit je veux diffuser tel morceau. Donc il y a une personne qui s'occupe de tout ça. Comment on appelle ça, je sais plus exactement. Enfin, il y a toute une préparation à faire. Il y a un monteur, il y a tout ça. Dans l'émission Mavrika, il y en a un qui est tout seul, qui est en train de parler, qui est en même temps avec les bras à droite et gauche en train de piloter, qui répond sur Facebook. Et quand il y a le téléphone, c'est un peu perturbant, surtout quand on est en train de parler. Mais ça fait énormément plaisir, vous pouvez pas savoir. Donc si vous voyez que je vous réponds pas sur le moment, c'est pas bien grave, hein, de toute façon je prendrai le temps. Et si vous voyez que je réponds pas du tout, c'est que peut-être j'ai zappé. Donc renvoyez un petit message, y a pas de souci. Rendez-vous compte quand même, messieurs, dames, hein, les qualités de cet homme. Non mais sérieusement, enfin voilà, tu te rends compte là, tu tiens l'émission comme ça, et moi je trouve ça vraiment chouette, quoi. Et c'est vrai, et rappelons quand même que la radio est associative. Ouais, c'est une radio associative. Voilà, donc c'est important aussi. C'est notre passion, on fait ça. Et je peux dire ça pour ma part et aussi pour tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Il y en a quand même un paquet de gens qui sont passionnés, qui ont envie de partager la musique qu'ils aiment, et puis voilà, avec un public. Et c'est vrai qu'à travers moi, au début, quand j'ai fait l'émission, j'avais pas vraiment de retour, un petit coup de téléphone par-ci, par-là, et on est un peu isolé à la radio parce qu'on n'a pas les gens devant nous. Même s'il y a des gens qui nous écoutent, il faut le savoir. Et moi, le premier, j'écoute beaucoup la radio, hein, dans ma voiture, mais j'appelle jamais les animateurs. Donc le fait de savoir que non seulement il y a des gens qui nous écoutent, et parmi ceux-là, il y en a qui prennent la peine de prendre le téléphone ou de nous envoyer un petit message. Et après, c'est effectivement cool. Quand il y a eu Facebook, j'ai ouvert la page pour pouvoir avoir des retours. Et puis tu vois, je vois au fur et à mesure, on voit des noms qui s'affichent. Et ça, et voilà, c'est ce qui fait plaisir. Et puis aussi ceux qui ont l'habitude, je vois toujours à peu près les mêmes noms. Mais de temps en temps, il y a des gens que je connais pas qui viennent aussi parce qu'ils ont découvert par l'intermédiaire de l'artiste qui est là le soir. Super. Donc voilà, ça s'agrandit. Et puis c'est ce que j'aime bien. Voilà. On a parlé tout à l'heure, on a parlé beaucoup, on va écouter un petit peu de musique. Justement, ben, je regardais parmi les gens qui ont un petit j'aime, il y avait Élodie Chelot, et je propose qu'on écoute un petit morceau de son projet qui s'appelle EL. Je ne sais pas si tu la connais. Eh bien non. Eh ben, ça sera l'occasion justement de découvrir un petit peu avec son travail. Avec plaisir. Et elle est calée, et le morceau, c'est EL, Élodie Chelot, donc avec EL. Imaginons nos vies un peu comme des livres dont les pages tournent à chaque jour qui défile, sur lesquels se décrivent les saveurs, les rancœurs, tout ce qui sort du cœur. Chaque encre est unique et particulière comme un ADN, unique forme et style de caractère. D'une main invisible, on compose, on esquisse, on souligne ou rature, on efface ou déchire. Alors combinons nos couleurs, découvrons les saveurs, même pour quelques heures. Poser sur nuancier, autant s'aventurer aux teintes qu'elles vont porter. Laissons l'encre couler. Les chemins se croisent, quelle que soit la durée, des combinaisons d'encre se forment en nuées. Des fluide se mélange tout au long du récit. Derrière la couverture, un arc-en-ciel luit. Un coup de vent, une goutte d'encre, et tout se met à valser. Le chapitre peut déchirer. La partie abîmée, ouverte comme une plaie, n'en est pas à brûler. Soigner mais pas penser, alors combinons nos couleurs, découvrons les saveurs, même pour quelques heures. Poser sur les anciens, autant s'aventurer, aux teintes qu'elles vont porter, et son encre étayée. Je connais un artiste qui du tout premier coup, d'une main si habile, fait l'impasse au brouillon. Aucun écrit parfait n'a connu la rature. Alors combinons nos couleurs, découvrons les saveurs, même pour quelques heures. Posez sur les anciens, autant s'aventurer, autant qu'elles vont porter. Voilà, donc on a écouté Élodie Chelot qui était venue il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec son projet Elle, et on a écouté le morceau L-E-L, voilà. Et à l'instant, c'était un petit souvenir tiré de l'EP Après la pluie, c'était Nuancier. C'est ça. Et exactement. Exactement. Voilà. Oui, oui, je t'ai senti un petit peu en hésitation, mais oui c'était oui. Nuancier. Parce que je fais tout de tête, hein. C'est vrai que je note rien, donc c'est j'essaie beau. De me souvenir. C'est beau. Et c'est vrai que ce morceau-là, moi, il m'a toujours plu. Ça m'avait plu dès le début, de toute façon, ton projet. J'aime bien ta manière d'interpréter et tout ça, quoi. Donc là, ça fait plaisir de réécouter des morceaux un petit peu plus anciens. Est-ce que toi, il y a des morceaux que tu n'arrives plus à écouter ou ben oui. Parce que des fois, oui, ça, je pense qu'à force de les chanter, des fois, il y en a certains, tu dis ouais, bon, finalement. Et après, t'as des préférences pour d'autres. En fait, alors déjà, je pense comme beaucoup. J'ai du mal à m'écouter. forcément, on s'écoute beaucoup quand on est dans la production, dans la création. Tu vois, là, on travaille avec Alex sur l'album et je sais que tous mes titres, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup les écouter. Après, il est vrai que je n'écoute pas forcément du Mourad dans ma voiture. Après, tu te vois, et pourtant, c'est bien. Hein. C'est sympa. De la route avec du Mourad, super. Après, oui, il y a certains titres. D'ailleurs, tu vois, par exemple, Nuancier, c'est un titre qui m'arrive encore de jouer sur scène. Donc oui, il y a des titres avec le recul où je me dis ah ouais, c'était pas mal. Mais après, je reste toujours quand même très très critique. Il y a des titres par contre que je ne joue plus, peut-être aussi parce que en fait la chanson, quand tu l'écris, quand tu la crées, des fois en fait t'en es, enfin non, tout le temps t'en es très très proche, et puis au bout d'un moment en fait des fois tu t'en éloignes, mais ne serait-ce que par rapport à tes ressentis. Alors c'est pas pour autant que en fait d'autres personnes comme toi par exemple, tu pourrais écouter un de mes titres en disant ah non mais moi elle me parle toujours, ouais. Moi aujourd'hui peut-être qu'elle me parle plus ou moins, mais peut-être que après ça pourrait me reparler aussi, tu vois, peut-être ça peut revenir, ouais, effectivement. On est changeant, hein. On n'a pas toujours l'humeur à écouter des musiques du Mourad, non mais des musiques particulières, c'est-à-dire moi j'explique souvent une seule musique ça serait vraiment embêtant, parce que on a besoin des fois d'écouter la musique cool parce qu'on est fatigué, on a envie de se relaxer. On a envie aussi d'autres fois d'écouter de la musique énergique et de bouger, etc. Donc, heureusement qu'il y a plusieurs musiques différentes. Et des fois, tu n'es pas réceptif. C'est ça. Moi, j'ai déjà vu, on discute aussi assez souvent, pour le cinéma, c'est un peu pareil. J'ai vu un film une fois, bon, il m'a pas du tout marqué, j'ai revu à la télé. Pourtant, j'avais été le voir au cinéma, j'ai revu à la télé, et là, j'ai trouvé génial. Oui. Pourquoi? Parce que la première fois, on était simplement, on avait peut-être des problèmes, on avait peut-être autre chose en tête, et puis on n'avait pas tellement envie, on n'était pas ouvert. Et puis d'autres fois, waouh! Super génial, parce que là on était prêt, on était réceptif, on était dans une un état d'esprit, où on était capable de comprendre les choses. Il y a des fois c'est le moment et des fois c'est pas le moment, et en effet moi aussi ça m'arrive pour un film, pour un bouquin, pour voilà, c'est sur le moment non, et en fait des fois parce que c'est soit le bon instant, l'état d'esprit, c'est aussi par rapport à ta vie, enfin il y a, y a tout un tas de choses en fait qui font que ouais, là ça me parle. Et après par rapport à l'époque aussi, parce qu'il y a des choses qu'on a vues quand on était gamin, on dit ouais, c'était génial tout ça, mais on revoit, on dit mais qu'est-ce que c'est ringard. Et à l'époque ça nous a plu. Les effets spéciaux et tout ça, à l'époque c'est ouais, génial. Aujourd'hui les effets spéciaux, ils ont tellement évolué que ce qu'on regardait à une certaine époque, on dit waouh, c'est pas sauf bon. Star Wars hein, quand même, ça reste indémodable. Mais bon, c'est pas le débat. Ah oui, il y en a beaucoup comme ça qui vivent vraiment dans l'univers de Star Wars, ça c'est quelque chose. C'est sûr. Mais non, mais c'est vrai que mes chansons, et j'ai déjà eu l'exemple, tu évoquais Femme Parfaite tout à l'heure. Ouais, j'ai déjà des gens qui m'ont déjà dit, non, ça me parle pas. Et des femmes qui m'ont dit, ouais, ça me parle pas. Mais à 20, 25 ans, oui, ça parle pas. Tu vois, sans vouloir stigmatiser. Ouais, en fait, y a de ça. Par contre, après, ouais, à 40, 50, des fois, ça me parle, ça. D'ailleurs, c'est très, très rigolo aussi, parce que quand je la joue sur scène, j'y vais, voilà, la chanson, elle est pour vous, mesdames, voilà, elle s'appelle Femme Parfaite, là, des fois, j'entends, attendez d'écouter les paroles avant de vous emballer en disant que c'est vous. Ouais, et en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu pourrais parler d'une femme, mais là, tu parles comme si c'était toi-même, donc tu te mets dans la peau d'une femme parfaite. Alors. Et ça, je trouve ça encore plus fort, parce que tu parles finalement à la première personne du singulier. Je vais te raconter la genèse de cette chanson, peut-être. Oui. En fait, cette chanson, elle est née pendant le stage avec les Volos, justement. D'accord. À Fondette, là où est Matisse actuellement. Et en fait, l'exercice avec Olivier Fredo, c'est ça. C'est en fait, ils nous font tirer des sujets, enfin des thèmes au sort. On doit du coup pour cerner l'âge, la cible et le thème, finalement pour nous mettre en situation comme en fait des labels, les prods pourraient aussi te mettre en disant tiens il faudrait je raconte un truc au hasard mais genre Céline Dion elle demande des textes et là du coup il y a plein de textes qui lui sont proposés. Quand t'écris pour Céline Dion par exemple c'est de se mettre à la place d'une femme. Je me suis retrouvé à tirer au sort à devoir écrire pour une femme 25-40 ans sur le thème du temps qui passe. Voilà. Simplement ça, je suis parti de ça. Et cette chanson est née ainsi. Voilà. D'accord, donc c'est un peu, on va la caler tout à l'heure, c'est effectivement la chanson d'une femme qui a l'impression d'avoir fait tout bien pour les autres, et finalement elle se dit elle est peut-être passée à côté de quelque chose pour elle-même. Elle a ce sentiment en fait de s'oublier, en fait, de s'enfermer, d'étouffer. Voilà, et du coup, elle a un petit peu cette envie de pétage de plomb, quoi. Dans le refrain justement, là, je racontais si je pensais un peu à moi, et puis que j'aurais un peu tout baladé, et que je buvais de l'alcool, que je me mettais la tête à l'envers, enfin voilà quoi. Se lâcher prise. Non, mais ça je comprends très bien. En plus, histoire d'une femme et tout ça. Mais est-ce que tout le monde peut pas se reconnaître justement dans ces paroles-là? Parce qu'à un moment aussi, on fait un peu le bilan de notre vie, surtout quand on vieillit, et on se dit ouais, finalement, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais est-ce que j'aurais pas dû plutôt faire ça est-ce qu'on n'est pas passé? De toute façon, on est forcément passé à côté de quelque chose d'autre. Il y en a certains qui disent, voilà, moi j'ai dû choisir entre le sport et la musique, donc j'ai choisi ça, mais j'aime toujours le sport, mais j'ai choisi la musique, et ainsi de suite. On peut pas tout faire, de toute façon. Donc, dans notre vie, il faut faire des choix. Et des fois, on peut faire des petites choses en parallèle, mais bon, quand on veut se consacrer à fond dans une chose, on peut pas tout faire en même temps, quoi. C'est pas possible. On peut pas les faire à fond, donc après, c'est soit on picore un peu, Ouais. Il y en a qui vivent toute leur vie, voilà, ils font un petit peu de tout. Oui, et puis oui, voilà, c'est ça. Et puis d'autres, non, ils ont envie de faire plus. Toi, par exemple, c'est la musique. Le sport, non. Si ou si. Mais écoute, j'ai couru mon premier semi-marathon il y a quelques mois de ça. D'accord. Je sais que tu le fais parce que tu m'avais parlé aussi que tu allais ramasser des déchets, tout ça. Voilà, ça, il faut parler aussi de ce côté-là de Mourad. Eh oui, mais parlons-en. Tu le fais encore? Eh ben oui, d'ailleurs, tiens, tu vois, c'est dans les contreparties du financement participatif là, voilà, où je m'engage à aller courir, ramasser des déchets. Alors le terme pas très très français, c'est du plogging en fait. Le principe, c'est ce principe-là, et du coup après j'envoie aux contributeurs l'attestation, la preuve de la distance parcourue et de ce que j'ai pu ramasser. Voilà, avec bien sûr la précommande de mon album. D'accord, bah, très bien. En tout cas, c'est une bonne démarche. Tu fais quelque chose, finalement, tu fais un travail pour mériter le fait que les gens te suivent. Hein, parce que, bon, tu fais la musique, etc. Mais en plus, tu veux donner un plus. Et c'est quelque chose qui vraiment, c'est vraiment toi, ça. C'est toi qui l'as choisi. Oui, alors c'est moi qui le choisis, mais c'est aussi parce que, en fait, c'est mes valeurs quelque part. Hein, tu vois, c'est ma conception des choses, dans le sens où, la musique, c'est du partage. Et puis, y a un moment où il faut pouvoir en fait agrémenter tous ces partages-là. Et puis après, soyons honnêtes. Par rapport au financement participatif, il y a toujours aussi un peu cette entre guillemets cette fierté de dire j'y ai contribué. Et puis du coup, j'ai eu ça en plus. Mmh. Voilà. J'ai eu ça en plus. On a pas mal réfléchi à toutes ces contreparties et tu vois, il y a un pack de goodies par exemple, et, ouais. Et ça marche bien, les gens aiment bien. Alors les goodies, c'est quoi? C'est ton poster pour mettre dans la chambre? Eh bien non, alors je suis pas assez mégalo pour ça. Non, à côté de Claude François et Johnny Hallyday, c'est ça, juste entre les deux, et comparer les un peu les coupes de cheveux. Bien vu, hein, sur les exemples capillaires quand même. Non, mais dans le pack goodies, tu vois, il va y avoir alors le gobelet avec mon logo que je propose déjà sur scène. Il y a un médiateur avec le logo aussi. Les petites nouveautés, bon, bien sûr, toujours ça s'agrémente de l'album quand il sortira. Mais il y aura aussi une bière brassée exprès, tu vois, qui est inédite, qui est un partenariat avec la brasserie du Voré, qui est sur Mardier. Il y aura un sous-boc aussi, voilà. Je vais pas trop en dire non plus sur son contenu, mais voilà, tu vois, c'est toutes ces petites choses là en fait qui agrémentent et qui aussi sont des relais. Là, je l'ai encore vu là pas plus tard qu'hier, qui sont des relais aussi sur les réseaux sociaux, parce que du coup après les gens, tu sais, des fois ils prennent des photos en disant tiens regarde j'ai ça. Ouais, c'est moi, je sais que j'aime bien le faire effectivement. Quand on envoie un CD par exemple, j'aime bien me photographier par exemple au studio avec le CD, en disant voilà, moi j'ai passé ton morceau, et puis voilà, c'est quand même, t'as pas pu venir dans l'émission, mais voilà, on pense à toi et on fait un retour comme ça aux artistes, donc c'est quelque chose de bien, quoi, voilà, ça marche comme ça. Et moi, tu sais, j'ai une boîte, j'ai même plusieurs boîtes, j'en ai plusieurs, où dedans il y a le médiator de tel groupe, il y a le jeton de tel truc, l'entrée de tel, et je garde tout ça dans une boîte comme ça, et des fois je les regarde, je dis ouais, ça c'était au concert, il y avait ça, et des petits souvenirs, quoi, des capsuleurs, des petits machins. Ah tiens, t'as raison, il y a aussi le décapsuleur, mais je mets la bière, donc ouais, dans les goodies, il y aura le décapsuleur. Ouais, ah, parce que si t'as la bière, pardon, et t'as pas le décapsuleur, c'est un petit peu avec les dents. Avec les dents, oui, il y en a qui le font. Alors, tu veux nous en parler un petit peu plus? Comment on fait si on veut participer justement à la participation pour l'album qui va sortir bientôt? Alors, en fait, je pourrais donner l'adresse, mais ça va être peut-être un petit peu long. Sur Facebook. Après. On peut la partager sur Facebook, mais sinon, ouais, régulièrement, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, là, je fais aussi du relais de la communication, donc sur les réseaux sociaux, puisque je suis sur Facebook, hein, en tapant Mourad Chante en un seul mot, donc Mourad Chante, ou alors sinon sur Instagram aussi, voilà, mourad.scène, ça marche aussi, sinon il y a aussi mon site internet, mouradchante aussi en un seul mot.fr, voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Bah, très bien. Et avec toute une ribambelle de contreparties de la version digitale, donc pour avoir l'album en version numérique, jusqu'à la bamboche, la version bamboche, où là c'est concert à la privée ou à la maison, en tous les cas, avec le top du top, c'est la version avec un food truck avec lequel aussi j'ai un partenariat qui s'appelle la Billy Garoulette. D'accord. Et en fait, dans le package, bah, y a le concert et y a un repas pour 20 personnes, donc une galette, une crêpe, de compris, en fait, dedans. Et hors région centre, c'est possible aussi, quoi. Donc voilà, bon voyage. Ah ouais, c'est carrément le truc, la grosse organisation. C'est pas le petit truc, hein. C'est quand même des bons cadeaux. Hein. Ah, attends, on n'est pas là pour rigoler non plus. Ah, si, on rigole, hein, on rigole. Ouais, il faut rigoler. Je sais que tu aimes bien rigoler, mais il y a des choses qu'on peut faire. C'est pas parce qu'on rigole qu'on n'est pas sérieux dans sa vie, quoi. Il y a des gens qui sortent des blagues sans arrêt, mais quand ils sont carrés, ils sont carrés. Dans ce qu'ils font, ils aiment bien faire les choses bien comme il faut. Et moi, j'aime bien travailler justement dans la bonne humeur avec des gens qui sortent des petites blagues de temps en temps, mais notre travail, on le fait bien. Et toi, t'es un peu comme ça, donc je le sens bien en tout cas. Voilà, on va écouter encore un petit peu de musique. Donc, je vais chercher la femme parfaite. Hein. Elle est quelque part, mais elle n'est pas encore calée. Mais par contre, j'ai calé un autre morceau. Alors, c'est un morceau que j'ai découvert. Quoi, j'ai découvert. Hein. C'est un vieux morceau. Un truc que j'ai passé au début de l'émission Mavrika, c'est un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, hein, c'est le groupe Same, un groupe d'Orléans. Est-ce que tu connais peut-être ? Pas du tout. Et ils avaient sorti, c'était un groupe qui marchait super bien et j'ai pas eu l'occasion de les recevoir ici. J'ai parlé un petit peu avec les membres, ils m'avaient dit oui, peut-être ça se ferait, et puis finalement le groupe a. C'est évaporé, on n'en a plus entendu parler. Et j'avais envie de l'écouter parce que je suis tombé dessus. Je me dis, mais c'était bien quand même. Et ça fait longtemps que je n'ai pas passé dans l'émission Mavrika. Donc c'est l'occasion. Cool, je découvre plein de trucs moi, chez Mavrika. C'est le groupe Same avec 18. Et on va écouter ça tout de suite. Une femme pertinente, les yeux rivés à la roulette sur le 18, je saisirai ma chance. Les jeux sont faits du lever et rien ne va plus faire sauter la banque. Un souffle court dans un tourbillon de folie, comme un va-et-franc. Je veux tout et de suite. Faudra que je m'y fasse. La martingale autour d'une table de blackjack n'est pas efficace. Les jeux sont faits, disait alors le veilleur. Il me suit à comme si c'était pour me rassurer. J'ai voulu ma vie bien ciselée. Je suis une femme un peu parfaite, l'épouse dévouée, aimante, coquette. Mon homme n'a rien à me reprocher. Ses chemises sont toutes repassées. Je soigne notre intérieur charmant. Je peux finir dans notre temps. Et si je pensais un peu à moi, que je me mette au rocard, que j'envoie bien bouler la mer, fumer des pêtes, boire du bière. Christian Grey saurait m'écouter. Une seule nuance, je serais comblé. Comme en soirée célibataire, je mettrai la tête à l'envers. Il ne manque jamais rien chez moi. Mes plats sont fins, jamais servis froids. Et j'optimise bien mon planning. Footing, shopping et même brushing. Pas besoin de babysitter. Mon homme n'est pas esclave de l'heure. J'attends souriante derrière la porte. Je sens que je craque, il faut que je sorte. Et si je pensais un peu à moi, que je me mette au rocard, que j'envoie bien bouler ma mère, fumer des pêtes et boire des bières. Christian Grey saurait m'écouter. Une seule nuance, je serais comblé. Comme en soirée célibataire, je vais mettre la tête à l'envers. Pour mes enfants, je suis une reine. Il n'y a jamais rien qui me freine. L'assaut parent que j'investis, je fais des gâteaux pour les sorties. Je suis une star pour belle maman. Je supporte tous ses médicaments et fais ses courses de marque repère. Vous comprendrez, elle me vénère. Et si je pensais un peu à moi, que je me mette au rocard, que j'envoie bien bouler ma mère, fumer des bêtes et boire des bières. Christian Grey saurait m'écouter. Ce nuance, je serais comblé. Comme en soirée célibataire, je vais me mettre la tête à l'envers. La tête à l'envers. J'ai voulu ma vie bien ficelée. Voilà, c'était le morceau La femme parfaite. Donc Mourad, qui est notre invité de cette émission numéro 497. C'est ça, hein, 97, oui, c'est ça. 98, 99. Ben non, la 500e, donc c'est encore après. Oui, tout à l'heure, j'ai mal calculé. Ah, les fils rouges. Oh là là là. Donc c'est bien 80. Le running gag du soir. Alors, la 500e. Ah non, non, non, non, c'était bien la 500e. C'est la 97 ce soir. C'est ça, hein. Et je sais c'est ce que t'as noté en tous les cas sur Facebook. Hein. Il va falloir que je vérifie parce que j'ai l'impression que je suis en train de m'emmêler un petit peu. Bon, c'est pas bien grave. Alors je vérifie en même temps. Hein. Alors Turn Off c'était 96, donc c'est bien 97 aujourd'hui l'émission consacrée à Mourad. On vient d'écouter donc un morceau tiré de l'album On en parle qui s'appelle La femme parfaite. Hein. C'est un morceau que j'aime beaucoup, que je passe assez régulièrement. Est-ce que t'as une autre chanson que tu aimes bien dans cet album? Si on en parle, ouais. oui, non, mais quand même, hein, il y en a quelques-unes, hein, mais là, faudrait t'en ressortir une. Faudrait que je revoie les titres. Tu te souviens pas? C'est horrible. Hein. C'est horrible de dire ça, parce que j'ai certains titres là qui me reviennent. Parce que oui, il y a. D'une autre peau aussi que j'aimais bien, que je ne joue pas sur scène là pour le coup, mais que j'aimais bien en tous les cas sur, tu vois, là c'est pareil, le petit coup de vernis qu'a pu apporter Alex en fait sur les arrangements, puisque c'est lui qui réalise l'album. Ça c'était vraiment cool, quoi. À partir de quand, qui est aussi une chanson qui parlait pas mal. Comme un ado aussi, ça m'a éclaté, moi, de l'écrire, cette chanson. C'est vrai que quand on l'écoute comme ça, mais si on fait attention aux paroles, effectivement. mais j'ai trouvé très bien de pouvoir parler de sujets comme ça, un petit peu, merci. Un peu particulier, mais ouais. Avec c'est vrai que si on fait pas attention, voilà, on dit ouais, c'est une chanson qui passe très bien et tout ça. Et puis après, ça parle de, effectivement de comme un ado, hein. Mais on pourrait passer peu. Mais non, mais en fait, oui, c'est, non, mais c'est ça qui est rigolo, c'est que comme tu le dis, si on passe juste comme ça, on va me dire ah ouais, non, bah tu parles de la vie d'adolescent, parles de masturbation, ouais, mais non, en fait. Non, pas tout à fait. Je parle pas de ça. Enfin, pas que, et c'est pas forcément l'enfant à l'âge ado. Enfin, non. Et donc, ouais, c'est rigolo, mais c'est vrai que quand on entend juste des petits bouts de paroles, des fois on en saisit pas le tout. Tu vois, aussi une autre petite anecdote, il y a de ça quelques mois, on m'a fait la petite réflexion gentillette de me dire non, mais ça, c'est sympa tes chansons, mais elles sont vulgaires, hein, quand même. Hein, c'est bon, ça doit être volontaire, ça doit être pour la provoque. Je sais pas si on peut vraiment considérer mes chansons comme étant vulgaires. C'est pas des chansons engagées ou de... Alors, détrompe-toi. Hein. Oui, alors là, c'est pareil, hein, aussi. Hein. Didier me le disait d'ailleurs. On parlait de l'engagement sur les chansons, mais tu verras sur le prochain album, il y aura une ou deux chansons engagées. D'accord. Ok. Et donc de façon, hein, bien sûr. Moi, ça me rappelle aussi une chanson. C'était un enfant qui parlait. Il dit mon papa, il écoute du Francis Cabrel. C'est bien. Il dit pas des gros mots. Francis Cabrel. Il dit pas merde. Hein, mais il le disait. Tu vois, on dit. Par contre, Renaud, il le dit. Hein, il le dit. Et il le répétait plusieurs fois. En attendant, lui, il avait réussi à placer plusieurs fois le mot qu'il n'avait pas le droit de dire, en disant que c'était pas lui qui le disait, mais c'était Renaud. Hein, c'est mignon. Cabrel le faisait pas. Hein. Donc voilà, c'est aussi une manière de dire les choses, hein, qui sont tout à fait naturelles. Hein, il faut bien l'avouer, et sur un ton peut-être un peu léger. Et puis voilà, c'est. C'est ça, en fait. Oui, des fois quand on me demande un peu, ouais, je crois que je peux aborder pas mal de thèmes. Qui peuvent être plus ou moins graves, en fait, mais avec un poil de légèreté. Mmh. Comme finalement, tu vois, si on en revient à Femme Parfaite, où je parle de charge mentale, mais finalement avec un petit soupçon de légèreté, ne serait-ce que, tu vois, dans mes mots. Tu vois, enfin voilà, quand on parle de... Je sais qu'à ce niveau-là, on m'a dit beaucoup... déjà, j'avais passé un morceau de toi à plusieurs reprises ici, et tout le monde dit, ouais, il a une voix... La douceur qui revient, t'as une voix douce, et t'arrives à dire des choses, voilà, mais toujours avec modération, une certaine modération. De la retenue, moi. Mais c'est vrai que c'est bien de. Il y a des gens tout de suite, ils s'emportent, ils disent des gros mots. Toi, tu arrives à dire des choses très bien, comme ça, même des choses, des sujets un petit peu, mais toujours, ça passe bien. Ben voilà, super. T'as ce petit truc là, et c'est vrai que les gens, ils me disent souvent j'aime bien sa manière de chanter, c'est doux, c'est voilà, c'est agréable. Donc je voulais te le dire, voilà, c'est fait. C'est gentil. Tout à l'heure, tu as parlé aussi, bah justement, on peut le voir sur l'album, on peut le voir sur l'affiche. Alors l'affiche de l'émission Mavrika, elle aurait tiré d'une photo de qui, tu vas nous citer qui? Alors ça dépend en fait laquelle, parce que cette photo là, en effet, ça c'est une photo de Tony Aubry. Voilà, j'attendais que tu le dises, parce que comme j'étais pas forcément sûr, mais c'est bien lui en fait. C'est Tony Aubry. Depuis que je fais de la musique, tous mes visuels sont assurés par Tony Aubry, et par exemple aussi la réalisation du clip Femme Parfaite, Tony Aubry. Mmh. Voilà. Ouais, je l'ai rencontré. C'est vrai qu'il y a tellement peu de concerts, mais c'est un des derniers concerts que j'ai fait. C'était à Balade en musique, à la Chapelle Saint-Émain. Il était là, et puis on avait discuté de pas mal de choses. Il m'avait dit qu'il travaillait justement avec toi, et c'est quelqu'un qui est super agréable. C'est vrai qu'on se connaît très peu. On s'est rencontrés très peu souvent, mais à chaque fois, on a la même passion pour la musique, la même passion pour la photo, le visuel, voilà. Donc Tony est un passionné. Ah, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et tu vois, tu parlais du travail bien fait aussi tout à l'heure, mais il en fait partie. Hein. Hop, allez, hop, dans le même sac aussi, ceux qui aiment le travail bien fait. Alors, l'affiche de l'émission de ce soir, elle était faite avec l'arrière de l'album. Donc c'était bien de citer Tony. Et puis dedans, on peut voir justement le mégaphone avec le signe. Alors, ouais, c'est le fameux signe, le fameux logo. Ouais. C'est ça. Alors ce logo là, il ressemble un petit peu au cigare du pharaon. Ah, il y en a plein qui me disent ça. C'est rigolo. Oui, il y a ce petit logo aussi. Mais là, c'est quoi? C'est un genre de yin et de yang. Alors dans les couleurs, oui, ça fait penser ça, mais en fait, si tu regardes, il y a aussi l'expression du petit bonhomme en fait qui est représenté. Et c'est justement cette ambivalence, tu vois, sur les chansons, c'est-à-dire qu'il y a les chansons qui font sourire et puis des fois aussi un petit peu moins. Donc voilà, et c'est ce mix en fait finalement peut-être qui représente mes chansons. Voilà pourquoi ce logo. Avec ses différentes teintes de couleurs, mais à aucun moment on s'est dit on part sur le cigare du pharaon, mais c'est après, ouais, on s'est dit. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, Laurent. T'as le logo du cigare du pharaon. C'est dans Tintin, ça, pour ceux qui ne savent pas. Et là, effectivement, on voit un petit bonhomme, donc on voit, et d'un côté sourit, et si on le retourne, ben il est triste, quoi. Il est plutôt. Ou alors enfin, il est moins souriant quoi. En ouais, il est pas souriant. Ou alors il est plus énervé, plus sévère. Ou alors il est carrément triste. Mais c'est comme les chansons en fait en règle générale. Après, propre à chacun de l'interpréter avec ses propres émotions et ses propres ressentis. C'est comme la vie, parce que tes textes sont inspirés. Bon, c'est une question que je t'ai déjà posée lors des précédentes émissions. Tes textes sont inspirés de la vie, de tous les jours, de choses qui ont l'air des fois anodines et que tu mets des mots tellement bien là-dessus que finalement tu arrives à révéler des choses que tout le monde peut reconnaître dans sa propre vie aussi. Bah, j'aime bien, c'est super flatteur même, tu vois, quand j'ai des retours. On me dit mais cette chanson, mais j'ai l'impression que tu l'as écrite pour moi. et c'est là que tu dis c'est cool en fait, c'est que ça touche, c'est que ça parle, et c'est tant mieux. Et oui, mes chansons sont toutes en fait des tranches de vie. C'est ça. J'aime bien aussi cette idée de dire que un album c'est une série de titres, mais c'est aussi une série de photos finalement, tu vois. C'est ça, bien sûr, après saupoudré avec ce que moi j'ai pu croiser, côtoyer, vivre, et puis voir aussi du haut de ma quarantaine, quoi. Très bien, donc voilà, un nouvel album va sortir. Il y a eu donc un premier EP. Le premier EP s'appelait comment ? Il s'appelait Premier Mot. Premier M-A-U-X. D'accord, Premier Mot. Déjà, le type, il fait des jeux de mots, quoi. Premier Mot, après c'était Après la pluie. Donc c'est le ça. Deuxième EP, il y a eu l'album donc On en parle, et donc le prochain album qui pour l'instant n'a pas de titre. Pour l'instant On en parle, mais... Mais parlons-en. Parlons-en. Tout à l'heure on a écouté justement le groupe Same, et comme vous avez pu remarquer, à la fin ils chantaient effectivement en portugais, parce qu'il y avait des membres qui étaient portugais, donc j'ai trouvé ça sympa, un groupe d'Orléans où il y a des paroles en portugais. Et toi dans tes chansons c'est toujours en français, c'est ta langue, c'est elle... Toujours. T'as pas envie des fois de mettre un petit clin d'œil, par exemple en espagnol, en allemand, en suédois en... Écoute, c'est une idée. Faut y réfléchir. Tu sais, en plus, c'est au-delà de la barrière de la langue, parce que je suis pas bilingue pour un sou. Mais il y a aussi après, tu sais, toute la question de l'accent, tu vois. Il y a du respect finalement, tu vois, de la langue que tu vas pouvoir finalement utiliser. Ouais, non, j'ai pas assez d'aisance, mais l'idée est intéressante. Par contre, il va falloir me coacher à mort, quoi. D'accord, donc voilà, si vous avez des textes dans une langue étrangère qui peuvent être... Mais ben, ça va, peut-être que si jamais un jour je fais un best-of, je le ferai en yiddish. Ouais, pourquoi pas. Très bien. Justement, on parlait tout à l'heure de personnes avec qui tu as travaillé, des personnes que tu aimes bien en général. Hein. On avait parlé de Vince Terranova. Oui. Qui faisait partie de plusieurs grands groupes, hein, et oui. XTV déjà. Oui. Voilà. Encore avant, c'était il avait joué dans d'autres groupes aussi, non ? Il y avait eu Baby on Board, je crois, aussi. Mm-hmm. Daddy Sucks. Et là, il a aussi un nouveau projet. D'accord. Donc, c'est un monsieur que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Il n'est jamais venu dans les studios. À l'occasion, il faudra qu'il vienne aussi, hein, parce que. Oui. Écoute, il n'est pas de la région. Mm-hmm. Il est d'Ardèche. C'est pour ça. Vince, il est en train de contempler ses montagnes, mais. Mais c'est vrai qu'on a souvent eu l'occasion, on a souvent l'occasion de faire des, ce qu'on appelle des coplateaux. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on joue tous les deux. Voilà. Tu vois, c'est pas une première partie, une seconde partie. Enfin, là, en fait, chacun joue à peu près trois quarts d'heure, une heure. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs au mois d'avril. Je sais plus quel jeudi on va jouer. Alors là, je vais parler pour ceux d'Orléans. On va jouer au VNB d'Olivet. Et donc, bah là, tu vois, là, sa venue, des fois, pourrait être l'occasion, de venir au micro. Ah bah ouais. Mais il a. Comment on essaie de prévoir ça, parce que c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois, j'ai déjà discuté avec lui et tout ça, mais à l'époque de XTV, je crois que ça n'existe plus, hein. Non. Non, donc à l'époque il devait venir aussi, ça s'est jamais fait. Mais bon, on sait que c'est pas toujours évident de programmer, surtout qu'on n'est pas de la région. Donc il y a des fois des événements sur Orléans, donc on profite justement de la venue de l'artiste sur Orléans pour programmer la veille, par exemple une émission sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrica. On essaie de faire comme ça, c'est pas toujours évident. Donc des fois ça peut mettre pas mal de mois, voire des années avant que ça se fasse. Il y en a plein qui sont en cours comme ça. On attend le opportunité, mais ça c'est pas encore fait. Mais en attendant, on peut diffuser quand même les morceaux. Et c'est justement ce que je propose, c'est qu'on diffuse un morceau de Vince. Alors là, oui, pour le petit clin d'œil en fait, et les raisons aussi qui font que je suis venu avec ce titre, c'est multiple, puisque bon, je te dis qu'il y a aussi un autre projet qui s'appelle My Taylor is Beach. Donc là, c'est pareil, on pourra trouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent. Mais son projet Vince Terranova. Alors, je t'interromps parce que j'ai déjà passé un morceau. Ah. Si je cherche dans mon disque dur, je dois l'avoir. Parfait. Et je savais même pas qu'il était dedans, tu vois. T'es parfait. Eh ben, c'est lui qui est au chant et à la basse. D'accord. Ah ben, je savais pas du tout, tu vois. Ben voilà. Ben maintenant, tu sauras. Sinon, Vince Terranova sort un nouvel album. Je pense d'ailleurs il y a des chances que pour le VNB l'album soit là. Cet album devrait s'appeler, je crois, Un monde après, qui est aussi là le titre de la chanson que je t'ai apporté. Et tout au début là tu avais mis Soyons heureux, ça c'est une chanson qu'on a écrite tous les deux. C'est lui qui est aussi sur les chœurs et sur le prochain album, eh bien il fait partie des duos. D'accord, ben on va écouter tout de suite justement le morceau qui s'appelle Un monde après, et c'est Monsieur Vince Terranova. J'aimerais voir un peu plus loin, apprivoiser mes peines pour briser le fer de mes chaînes, pour pouvoir renaître demain, que les cœurs donnent de la voix et plus souvent rire aux éclats. Chaque jour devenir meilleur, par amour baisser les armes, donner un nouveau sens à nos larmes. Au fond de nous, pour l'enfant qui pleure, oublier la fuite du temps, se laisser porter par le vent. Je veux voir le monde entier, bannir les mots qui font souffrir, ne dire que ceux qui savent guérir. Et je rêve sous un ciel d'été, que la parole donnée aux gens soit plus solide qu'un serment. Je veux croire. Qui fait chanter nos cœurs, se relever et s'affranchir enfin. Plus rien d'hier ne me retient, j'ai l'avenir entre les mains. Je veux croire en un monde d'après, où l'envie d'espérer ne se conjugue plus au passé. Oui, je rêve d'un monde après. Un monde après. Hey, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Et voilà, tu vois, on parle de Vince Terranova, on parle de Mike Taylor Isby. Ouais, c'est ça. C'est ça. et justement, j'ai retrouvé le morceau tout de suite, donc on l'a enchaîné. Parfait, là-dessus. Donc, comme ça. Et ça voit quand même, il y a la petite similitude côté voix. Hein. Ouais, donc, c'est bien c'est le même bonhomme. Il a une belle voix, il a une voix, c'est vrai qu'il a une voix très, très harmonieuse. Oui. Et même quand il fait du rock qui envoie bien comme il faut, comme ce morceau-là, et ben, ça reste chantant. Il a une très belle voix. Voilà. Hum. Donc, bah, c'était bien de parler de ce monsieur hein, que j'espère un jour viendra dans l'émission. On va arranger ça. On va essayer d'arranger ça. Ouais. Mais oui. Voilà. Et puis on parlera tout à l'heure aussi de Matisse, hein, qui était venu. Tu étais venu dans son émission à lui. Ouais, je me suis tapé l'incruste. Ouais, mais c'est bien quand c'est comme ça. Moi j'aime bien. Et puis c'est vrai qu'on avait prévu aussi. Moi je me suis dit tiens comme Mourad il vient, je vais voir si Matisse il est dispo. Bon et apparemment il était pas dispo parce que. Mais il m'a dit ouais bah en tout cas merci pour le truc et tout ça. Mais et ça s'en prend une prochaine. Et oui, puis, oui. Pourquoi pas faire un jour une émission où vous venez tous les deux, tout simplement. Alors moi, j'évite d'inviter deux groupes qui se connaissent pas forcément, parce qu'il peut y avoir des voix, des rivalités ou des choses comme ça, et que je suis pas au courant moi, parce que moi je suis bien avec tout le monde. Et donc j'évite de faire ça. Mais par contre, s'ils me demandent, tiens, je viens, est-ce que je peux amener tel autre? Pas de souci, voilà. Au contraire, moi, ce que j'aime bien, c'est justement, c'est servir de trait d'union entre entre les artistes, entre le public, entre tous les gens sur Facebook là qui nous envoient les petits messages. Ça me fait vraiment plaisir. Carrément. Alors, je vais regarder rapidement pourquoi, parce qu'il y a certaines personnes qu'on connaît. Hein, il y a notre ami Didier, qui a suivi Didier. Alors la bise à Didier, hein, voilà, ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'il nous écoute aussi. Hein, et puis quand même, l'émission Mavrika, c'est aussi son émission puisqu'il a été avec nous très longtemps. C'était mon assistant. Aujourd'hui, il a son émission aussi sur une autre radio. Hein, donc c'est le mercredi soir. Bah, le mieux, c'est d'aller sur le Facebook et vous verrez exactement toutes les données. Et il s'occupe vraiment de la musique des années 70. Donc ceux qui aiment le rock and roll de ces époques-là, bon, il faut y aller parce que franchement, il fait un superbe travail. Hein. J'ai eu l'occasion d'aller dans son studio. Et puis Didier, quand tu veux, tu reviens aussi dans l'émission Mavrika. T'as toujours ta place. Ça fait toujours plaisir. Et si tu as envie de voir un des artistes qu'on va recevoir, n'hésite pas à me contacter. Puis il n'y a pas de problème. En tout cas, ça nous fait plaisir. Alors il y a aussi Chloé, Céline. Ça, c'est les musiques chroniques justement. Voilà. Donc, je parlais tout à l'heure. Et effectivement, je vois le 21 avril au VNB d'Olivet. Voilà, comme quoi, et on est au courant de tout. Et en plus, comme ça, ça reste, on en parle à l'antenne, mais sur le Facebook, il y a aussi des informations supplémentaires. Et voilà, c'est comme ça qu'on partage plein de choses dans l'émission Mavrika. Voilà. Alors, Mathis, on a des morceaux à passer de lui. On les met de côté. Parce que là, pour l'instant, on va venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Tu y es et tu as sorti ta belle guitare. En plus, et tu sais que c'est, ça fait un moment que j'ai pas joué avec celle-ci. Ma belle guitare, mais ma vieille guitare, en fait. Et j'ai vu là tout à l'heure, là, sur les photos. Et ben, je crois même que j'ai encore jamais joué ici avec. C'est rigolo. Ah ouais, on a retrouvé aussi l'album là qu'on a regardé tout à l'heure rapidement. Ah, c'était la dernière émission où tu étais venu, donc c'était une image très colorée. Hein, donc on te voit avec une guitare, et c'était. Vendredi 14 juin 2019. Donc, c'est vrai que ça fait juste avant le Covid. Hein. Et c'était l'émission numéro 417. Donc, voilà, c'est. Ah, c'est rigolo, tu vois, là, cette photo, eh ben, elle a été prise à Fondette, justement, sur le concert de clôture que j'ai fait sur le stage des Volos, là où est Mathis actuellement. D'accord. Enfin, cette semaine, quoi. Et d'ailleurs, quelle bonne transition. Parce que la chanson là que je vais faire, qui sera sur le prochain album, c'est une chanson qui est née pendant ce stage aussi. D'accord. Mais la petite particularité, là j'avoue, parce que c'est rare quand même, pas que j'avoue, mais que ce soit une chanson dont je ne suis ni l'auteur, ni le compositeur. Ah bon ? En fait, ouais, si tu veux, sur ce genre de stage, voilà, t'as le point commun, en fait, c'est les passionnés de la chanson. Et là, ce qui se passe, c'est que il y a un type qui s'appelle Eric Grunenwald. Lui, il est auteur. Et puis il écrit. Et puis un jour, il a pondu le texte de cette chanson qui s'appelle Et mes parents. Mais il est pas musicien. Et donc, il a tendu en fait cette chanson à Fredo. Fredo en a fait du coup la compo. Et puis sur scène, c'est Fredo qui l'avait chanté. Moi, c'est une chanson qui m'a touché et que j'ai commencé avec leur autorisation à refaire sur scène. Et puis là, finalement, je me suis dit, pourquoi pas en fait la poser sur album avec arrangement et compagnie. Et donc elle arrive. Voilà. D'accord. Donc la guitare est en place. Vas-y, gratte un petit peu. C'est bon, tu l'entends bien. C'est. Ah bah oui. Et toi, voilà. Tu l'entends bien. Ouais, moi, je l'entends bien. Oh, donc après. On va essayer de pas saturer, voilà. Ouais, c'est elle, ça. Elle est forte. Parce que le problème, c'est que quand on parle, voilà, on est à un niveau, et quand il y a des lives, souvent, ça envoie un peu plus. Donc, si on sature, après, les enregistrements sont pas terribles. Et puis, les gens, de leur côté, du transistor, n'écoutent pas de la musique dans des bonnes qualités. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de baisser un petit peu le potentiomètre, et de manière à ce que tu puisses déployer ta voix et, comme tu veux, dans l'émission Mavrika. Super. Puis on va mettre un petit effet stéréo aussi, on va panner un petit peu les instruments et la voix, comme ça, ça fait un peu mieux. Bon, maintenant, l'antenne est à toi, donc Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika avec Mourad. bac obtenu sans une mention, sans trop bosser, faut dire aussi. Après l'été, sans plus de passion, la fac de sciences pour projet de vie. 25 minutes de bus en moins, pour des cours pas très motivants. À force de me faire gauler le matin, faudrait que je prenne un abonnement. Je voudrais retrouver ma vie passée, ma sœur idiote qui me faisait chier, mon linge plié dans mes placards, et mes parents ces deux connards. Je râlais tant contre ma mère, quand elle m'hurlait faut te lever. Quand je me pointais tranquille pépère, le petit déj déjà préparé. Là on est trois dans une coloc, personne pour faire la vaisselle. Quand c'est pas l'odeur de nos chiottes, c'est que c'est celle de nos sacs poubelles. Je voudrais retrouver ma vie passée, ma sœur idiote qui me faisait chier, mon linge plié dans mes placards, et mes parents ces deux connards. Allez copine en terminale, j'suis même sorti avec Lucie. Dans ma chambre c'était pas si mal, de s'embrasser sans faire de bruit. Hier j'ai fait le tour des bars, j'ai ramené une fille jolie. Mes deux colocs plus trois pétards, c'est dans mon lit qu'elle a vomi. Je voudrais retrouver ma vie passée, ma sœur idiote qui me faisait chier, mon linge plié dans mes placards, et mes parents ces deux connards. Vendredi soir sur le quai de la gare, depuis le wagon je les vois m'attendre. Mon père, ma mère jamais en retard, souriant en me voyant descendre. Et je retrouve ma vie passée, ma sœur idiote qui me fait chier, mon linge plié dans mes placards, et mes parents, ces deux connards. Et voilà, donc « Et mes parents » qui sera sur ce prochain album. Merci. Je croyais qu'on était limité en effectif ici. Merci beaucoup. Effectivement, mais j'avais essayé de lancer le truc, j'entendais rien. Bah oui, j'avais pas monté le bon dans ce mètre. On s'est arrivé un petit peu tard. Ça nous a permis d'écouter la chanson jusqu'à la fin. Et c'est vrai que quand on entend les paroles, je pense que ça parle à tout le monde, ça. On a tous des souvenirs comme ça qui, même si, s'ils sont un peu, des fois, quand on les a vécus, on n'était pas forcément c'était pas vraiment le bonheur, mais finalement, on se dit, mais finalement, c'était peut-être ça, le bonheur. Avec cette ingratitude. C'est ingratitude, et pourtant, c'est des moments qu'on se souvient et qui restent pour la vie, hein. Et qui restent finalement encore aussi, qui ont ce petit côté tendre, même si, en effet, je suis un peu vulgaire, et mes parents, c'est de connards. Voilà, c'est mine de rien, c'est un peu un passage incontournable, hein, tu vois, quand on est ado, jeune adulte, voilà quoi, cette hâte, ah bah finalement, oui, bah, tu vois, de c'est comme ça. C'est les enfants, voilà, au début ils sont gentils, puis un jour, eh ben, ils deviennent eux, quoi, ils deviennent des adultes. Et il y a un passage, et c'est ce qu'on leur souhaite. Donc c'est quelque chose de pratiquement normal, hein. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas nos parents, c'est que finalement à un moment précis, bah, on n'est pas d'accord avec eux, puis on a envie aussi de s'affirmer, je pense que c'est comme ça. Et est-ce que c'est pas comme ça qu'on se construit aussi? Bah, je pense que si, hein, tout à fait. Voilà, bah, une superbe chanson, une superbe interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je referai une autre tout à l'heure. Ouais, une autre, et même deux autres, hein, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Ah ben oui, on a encore une heure à passer ensemble, disons. C'est vrai que là, les deux heures, je les ai pas vues passer. Et on a encore pas mal de trucs, on a pas mal de matière, parce qu'on a commencé à parler de pas mal de choses, et puis il faut qu'on arrive au bout de chaque chose. Donc, on a parlé de Matisse tout à l'heure. Ouais. Alors, Matisse, j'ai vu que maintenant, bon, moi je l'ai connu, il était tout seul, il interprétait des morceaux. Mmh. Aujourd'hui, il a des musiciens qui sont avec lui. Mmh. Tu connais le nom des musiciens? Parce que c'est, il me semble que c'est, il y a Bruno Ramos, non? Oui, à la base. Et Pierre Erwan. À la batterie. La batterie, voilà. C'est des gens que j'ai déjà connus dans d'autres. C'est des musiciens professionnels, c'est des mecs qui. C'est pas rien, quoi. Ah, bah les gars, ils tournent, hein. Là, c'est des gars, franchement, quand j'ai vu, je dis, mais super, parce que là, franchement, moi, dès que j'ai vu Matisse, il est tout jeune, je sais plus quel âge il a, mais. Il a une maturité. Il a une maturité. Moi, j'étais étonné. Ce gars-là, 21, il est super. Je crois. Il est. Moi, j'ai connu, il avait même pas 20 ans au début. Donc, je l'ai vu évoluer, mais il avait un potentiel dès le départ. On s'est dit, mais c'est génial. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Balade en musique, où il avait joué. On l'avait interviewé. On s'est revu plusieurs fois. Il est venu dans l'émission Marika. Et c'est quelqu'un que je suis. Franchement, je trouve que son évolution, elle est super. En plus, il a la chance d'avoir son papa qui est à fond dans son projet. Donc, je crois que c'est bien qu'on est boosté par une personne comme ça qui est aussi passionnée. Et voilà, c'est une affaire de famille. Et franchement, il a du talent. Il a énormément de talent. Et je me souviens aussi, tu parlais tout à l'heure des confinements. Matisse, il avait pris l'habitude d'être dans sa véranda. Il interprétait des morceaux. Ça, j'ai trouvé ça génial aussi. Et voilà. Il a repris une chanson à moi. Ah ouais, en plus, c'était laquelle qu'il y avait touchant. Derrière moi. D'accord. Voilà, donc sur sa chaîne YouTube, on peut retrouver. Ce qui est bien aussi, c'est que tout ce qui a été fait comme ça, souvent, on arrive à retrouver des enregistrements. Donc ça peut être sympa de les récupérer, de les diffuser dans l'émission. Ouais. Et du coup, autre petite anecdote, en fait, finalement, on est un petit peu pour ça. Matisse, donc on avait fait une chanson pendant le confinement. Ensuite, on a eu l'occasion de partager aussi une scène. Là, c'était à Villandry, donc dans l'Indre-et-Loire. Et on s'est dit, ce serait chouette de faire un duo. Et puis donc là, on arrive au mois de septembre. Ouais, la date, c'était en septembre. Je dis, oh, mais attends, on va pas resservir. Ce n'est pas la fin du monde. C'est bon, quoi. On est sorti du confinement. C'est plus trop d'actu. Et puis finalement, on a fait une chanson. Une autre chanson, en fait, tous les deux. Et c'est cette chanson qui sera sur le prochain album et que je t'ai aussi amené ce soir. Donc voilà, petite exclue, en fait. Chanson qui s'appelle Scruter l'horizon, c'est ça? Exactement. Voilà, elle est sur la platine, comme par hasard. c'est petite exclue. Donc là, en fait, là, les gens qui écoutent pourront se dire waouh. Là, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein. Vraiment, écoutez l'émission Mavrika, c'est là où justement Mourad amène des exclusivités, des choses auxquelles les gens ne s'attendent pas. Donc ce morceau-là, par exemple, il sera dans le prochain. Dans le prochain. Ouais. Donc ça, c'est. Il est nulle part ailleurs et il sera dans le prochain. Dans cette version-là, exactement. Exactement. Très bien, donc c'est vraiment une exclue, c'est-à-dire que c'est ça. L'album n'est pas encore sorti, on passe déjà un morceau de l'album qui va sortir dans quelques temps. Réalisé par Alex. Par Alex. Très bien, bah on va écouter justement ce morceau qui s'appelle donc Scruter l'horizon, c'est Mourad et Matisse Poulain. J'ai mon bac depuis pas longtemps, faut que je me décide pour ma vie. J'ai des doutes et des envies, c'est plutôt banal à 20 ans. Moi le bahut, c'était dans le temps, on peut dire que j'ai un peu roulé. Je me sens un peu abîmé, plutôt classique à 40 ans. On me dit de presser le pas, de devenir l'acteur de ma vie. J'aimerais profiter d'aujourd'hui, mais les questions sont toujours là. Quand je me pose sur mon passé, dont je ne suis pas toujours fier, pour quelques choix que j'ai dû faire, il y a bien des choses que j'ai foirées. Ça m'a suscité tant de questions, à devoir scruter l'horizon. Un pied accroché au passé, y a que le présent pour avancer. On me demande bien trop souvent de quoi mon avenir sera fait. Je dois sans cesse me projeter, tellement le stress est persistant. Chacun, dit-on, trace sa route, faut être prudent en traversant. Comment profiter du présent, si passé, futur, mettre le dos. Ça m'a suscité tant de questions, à devoir scruter l'horizon. Un pied accroché au passé, le présent pour avancer. Mais t'as des regrets, toi? Moi, tu sais, les questions, ça nous pourrit la vie. Si je me la joue tant pis, combien de temps ils vont tenir mes parents? Faudrait quand même que j'aille voir les miens. Ils sont pas éternels. Est-ce que je vais le regretter plus tard? Y a bien un jour où je vais vivre en couple. Est-ce que ce sera par dépit? Elle existe, la femme de ma vie? Je vois les années défiler. Est-ce que je vais refaire ma vie? Est-ce que je saurais encore vivre à deux? Est-ce qu'un jour j'aurai des enfants? Je me demande même combien. Avec ou sans chien? La prochaine que je vais rencontrer, si elle a déjà deux enfants, on sera combien? Comment ne pas se la jouer là-bas le premier soir? Parce que je t'avoue que j'ai un peu peur de la décevoir. Mais c'est à partir de quel âge les pilules bleues? Ça va si vite en démission. Arrête de voir ce que c'est l'horizon. Un pied accroché au passé. Y'a que le présent pour avancer. Chercher les mots sous le temps. Quel que soit les âges et l'instant. On se soucie. Le présent, c'est déjà bien. Voilà donc le duo Mathis Poulain et Mourad, qui est notre invité de cette émission numéro 497. Cette fois-ci, je me tromperai pas. Donc, voilà donc un superbe morceau. Hein. Moi, c'est la première fois que je découvre. Je sais que les auditeurs, eux aussi, découvrent pour la première fois, puisque c'est une exclusivité. Et ce morceau-là, on le retrouvera sous cette forme dans le prochain album de Mourad. Exactement. Très bien. Tu vois, tu parlais justement... tu vois de l'âge tout à l'heure, bah voilà, c'est justement avec cet exercice là qu'on s'est posé, c'est de se dire tiens, et en fait si on confrontait notre vision du monde, de la vie, avec nos âges, notre écart, et en fait de dire que à tout âge en fait on se pourrit la tête justement à se poser 106 000 questions et voilà, et vive le présent, c'est déjà bien. Et c'est marrant parce que comme il y a un écart d'âge entre vous deux, vous avez pas les mêmes visions, mais c'est un peu comme si toi tu parlais à toi-même quand tu avais son âge. Voilà, c'est un peu ça, parce que tu reconnais finalement. Les vieux ont cet avantage, c'est qu'ils ont été jeunes à un moment, et s'ils n'ont pas oublié, ils savent comment pensent les jeunes. Les jeunes ne savent pas forcément comment pensent les vieux. Et le tout, en fait, c'est d'éviter de devenir un vieux con. Ouais, voilà. Pour plus tard. Non, mais comme il disait Lemmy de Motorhead, dit si tu penses que t'es trop vieux pour jouer du rock'n'roll, bah c'est que t'es trop vieux. Ça veut dire il faut pas se mettre en question. Voilà, on le fait. Voilà, c'est tout. Faut pas regarder ça. Donc j'ai trouvé que ça c'était génial cette petite citation. Bah c'est la première fois que je l'ai dit dans l'émission. Donc voilà, on est jamais trop vieux finalement. Il faut se souvenir. Et moi j'ai l'impression d'être toujours le gamin que j'ai été. Il reste. Excellent, finalement, ça. On l'a toujours. Donc moi des fois je vois des jeunes, je me mets un peu à leur place et des fois je les comprends et puis je me reconnais un petit peu en eux quoi. Donc et puis les projets, c'est vrai que la vie aussi a évolué. Il y a des choses qu'on se posait d'une certaine manière à une époque. Aujourd'hui, on sait que ça a évolué. On se pose pas tout à fait la même question au même âge. Donc voilà. Très bien, en tout cas l'idée est super bien, l'enregistrement est super bien aussi. Et donc le morceau s'appelle Scruter l'horizon. Très bien, avec Mathis Poulain. Justement, quels sont, tu as parlé de l'album, il sort quand exactement? Tu as une idée? Septembre, on vise septembre. Avec, alors aussi, parce que c'est packagé dans le financement participatif, on vise un clip aussi qui... pourrait sortir avant l'été ou à l'ouverture de l'été, tu vois. Voilà. Donc en fait, on ferait ça un petit peu dans les règles, c'est-à-dire que plutôt que de sortir un clip un an après l'album, comme là j'ai pu faire avec Femme Parfaite, voilà, on va commencer en fait par un clip et puis ensuite l'album, donc à la rentrée septembre. D'accord. En septembre, donc voilà, c'est la date. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, mais et, bon. Et pour tout te dire, il n'y a pas de date, surtout. Parce qu'on va essayer de concocter un concert aussi, un concert de sortie. Et que pour l'instant, on est en recherche de salles, donc de salles et après de dates. Voilà. D'accord, très bien. Donc un clip, tu sais déjà sur quelle chanson tu vas faire le clip? Alors, j'hésite en fait. pour tout te dire, je vais te mettre dans les petites confidences, hein, comme on est comme à la maison. Et personne ne nous entend, hein, tu peux y aller. Bon, ouais, j'aime bien cette proximité, cette intimité. Non, mais voilà, potentiellement, cela pourrait être sur « Et mes parents », la chanson que je viens de faire, ou « Ta vie de garçon », la prochaine chanson que j'ai prévu de te jouer. D'accord, ben encore une exclusivité dans l'émission Mavrica alors. Exactement. Tout à l'heure, pour le coup, ça va être la première. Alors je commence un petit peu à la tourner sur scène, mais ça va être la première à la radio là. D'accord, bah super, bah tu vas te préparer, puis tu vas nous l'interpréter. On écoute un petit morceau avant ou on fait quoi? C'est comme tu veux. Et, bah, c'est comme à la maison. Toi, mais oui. Mais si tu veux, là, j'ai juste à tendre le bras et essayer, c'est guitare quoi. Ok, et bah vas-y. Allez. Le temps que je dise une petite anecdote aussi, c'est que la dernière fois quand Max De Giovanni était venu ici dans les studios, bah il était tellement bien au studio que il était venu avec son épouse. Je le dis maintenant, c'est vrai qu'on l'avait pas dit à l'antenne. Qui avait une personne qui était avec nous, mais elle a suivi pendant toute l'émission. Et elle m'a dit, tiens, j'ai découvert des choses sur toi que je ne savais pas. Alors que c'est son épouse, hein, déjà, ils ont des enfants ensemble et tout ça. Et finalement, il s'est senti tellement bien qu'il a dévoilé certaines choses de lui, d'après les questions que je lui ai posées aussi. Ouais. Et donc, voilà, il y a ce côté-là dans l'émission Mavrica où on parle d'abord à la personne, l'être humain, avant le chanteur, quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va baisser la petite musique de fond, qui sert à rien. On va remettre la guitare, je ne l'avais pas mis. Alors, je risque de jouer un petit peu plus fort, donc d'accord. Je te préviens juste. Voilà, je pense que ça va être bon. Je baisse un petit peu le micro aussi, et puis je coupe le mien. C'est à toi. J'ai vu mon pote en arrivant, que l'ambiance n'était pas légère. Cette forte odeur qui te prend, celle des souvenirs qu'on m'assère. À peine passé quelques minutes, je dirais même que ça sent fort. Rester chez toi est une lutte, c'est pas possible, t'as un rapport. Je suis venu pour t'épauler, cette lourde page tu dois tourner. L'enterrement était une fête, comme le veut la tradition. Allons exhumer sans pincette, déterrons ta vie de garçon. Depuis que Chantal est partie, je te vois bien te dégrader. Une tamis qu'en panzeri, faudrait penser à te laver. Allez, viens donc, on va sortir comme avant, rentrer à pas d'heure pour arriver à rebondir, retrouver ton teint, ta fraîcheur. Arrête de te laisser aller, une de perdue, c'est pas gagné. L'enterrement était une fête, comme le veut la tradition. Allons exhumer sans pincette, déterrons ta vie de garçon. Il te faudrait contre ta peine t'ouvrir au monde, le regarder. Arrêtons de te flageller. En sortant donc ce vieux cercueil qui renferme quelques boissons, on a tous droit à des écueils. Va pas finir en vieux garçon, casanier, que toi c'est mort. Chantal a peut-être pas eu tort. Comme l'enterrement était une fête, comme le veut la tradition. Allons exhumer sans pincette, déterrons ta vie de garçon. Déterrons ta vie de garçon. Déterrons ta vie. Bravo. Merci beaucoup. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je suis tout seul là devant, mais je sais que de l'autre côté du transistor, les gens sont ravis d'écouter un morceau en live. Et c'est vrai que ça devient rare dans les radios. Pratiquement, je connais pas beaucoup de radios où on fait du live comme on faisait avant. Et donc, nous, on est retourné dans les années 60. Donc, un micro, un artiste, une guitare. Et puis voilà, on fait un live. Et c'est vraiment le moment réel parce que là, il est exactement, je regarde, on a plusieurs heures différentes. 21h19, voilà, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, un vrai plaisir, la découverte en exclusivité d'un superbe morceau qui fera partie du prochain album. Exactement. Et qui s'appelle Ta vie de garçon. Ta vie de garçon. Parce que je vais le mettre aussi sur le programme. Vous pouvez voir le programme de toutes les chansons qui sont passées dans l'émission Mavrika. Et d'ailleurs, il y en a déjà qui ont partagé. On remercie Florent qui a partagé déjà le programme. Donc, vous verrez, il y a beaucoup de Mourad. Forcément, c'est l'émission de Mourad aujourd'hui, la 497e. Voilà. On a parlé aussi de Matisse. On a aussi un morceau que tu nous avais apporté. Tu veux qu'on l'écoute tout de suite, hein? Pourquoi pas, parce qu'il y a plein de trucs encore à passer et puis le temps passe aussi et donc comme il est calé, et on va l'envoyer tout de suite et puis on va encore continuer à discuter. Ok, super. Donc le morceau que tu m'as apporté de Mathis Poulain, c'est Les bons mots. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Je peux aussi dire que c'est un titre qui sera sur son album, sur son premier album qui devrait sortir bientôt. Voilà. D'accord. On peut pas en dire plus pour l'instant parce qu'il n'y a pas de date d'arrêté. C'est dans les tuyaux et les bons mots, c'est son premier extrait. D'accord. Et puis ce qu'on va faire, on l'invite, s'il nous écoute ou s'il écoute le podcast qu'il y aura très prochainement de l'émission, il faut savoir que s'il a envie de venir dans l'émission Mavrika, il a sa place ici parce qu'il fait partie de la Mavrika's Family. Il a déjà son premier quel diplôme. De famille. Toi, tu en as plusieurs, toi, des diplômes déjà. Ouais, tu vas en avoir un autre ce soir. On écoute tout de suite Mathis Poulain. C'est bien celui de la drague. À chaque fois que je m'y essaye, je m'y perds et je finis toujours en rade. C'est pas faute d'avoir essayé d'être mignon et romantique. Elles finissent toujours par se barrer. J'aimerais qu'on m'explique la technique. Si tant de gens réussissent avant moi, c'est que ça doit pas être impossible. D'ailleurs, sinon, je serais même pas là. C'est la nature, faut être lucide, mais il faut quand même reconnaître. Et je sais que je suis pas le premier. C'est vraiment un casse-tête pour réussir à les intéresser. Qu'est-ce que je dois dire pour pas passer pour un tocard, pour un loser, pour un pervers, pour le dernier des connards, un pauvre gastrice, maintenant ça tourne avec le moral en robot. Comment faire pour lui plaire? J'aurais mieux essayé de me taire. Chercher dans les confins de mon cerveau. Mais je sais pas trouver les bons mots dans tous les cas de figure. N'importe quelle situation, ça me paraît quand même vachement dur d'amorcer la conversation. Faut être mignon sans être cucu, faut être marrant sans en faire trop. Faut être hilarant sans avoir bu, faut être sexy mais pas trop chaud. En face à face ou en virtuel, ça reste un vrai calvaire. C'est le départ d'un duel avec un adversaire sanguinaire. Je prépare des phrases clichés que je répète 20 fois dans ma tête. Mais si j'arrive à l'approcher, tout ce que je dis c'est waouh, t'as l'air chouette. J'ai les deux fils qui se touchent. Elle se fout de ma gueule avec ses copines. J'admets le sourire au coin de sa bouche. Je m'excuse et je me démine. Je me dis que c'est peut-être pas la bonne. Que la prochaine fois que je retente, j'essaierai une phrase moins conne, un peu plus intéressante. Qu'est-ce que je dois dire pour pas passer pour un tocard, pour un loser, pour un pervers, pour le dernier des connards, un pauvre gastrice, pas dans sa peau avec le moral en robot. Comment faire pour lui plaire? J'aurais mieux fait de me taire. J'ai beau chercher dans les confins de mon cerveau, mais j'ai pas trouvé les bons mots. Tentez par écrit. Et c'est pas moins compliqué, faut dire que ça demande aussi un minimum de qualité. Il faut de l'originalité pour attirer son attention. Passer entre les mailles du filet et commencer une discussion philosophique à base de salut ça va. Surtout pas de politique, faut pas ouvrir de débat. Mais t'entres vite dans une impasse, et difficile de t'en sortir. T'essayes de briser la glace si tu cherches comment lui dire. Qu'est-ce que je dois dire pour pas passer pour un tocard, pour un loser, pour un pervers, pour le dernier des connards, un provocatrice pas dans sa peau avec le moral. Comment faire pour lui plaire? J'aurais mieux fait de me taire. Qu'est-ce que je dois dire pour pas passer pour un tocard, pour un loser, pour un pétard, pour le dernier des connards, un beau caprice, quand on s'attend avec le moral en robot. Comment faire pour lui plaire? J'aurais mieux fait de me taire. J'ai beau chercher dans les confins de mon cerveau, mais je sais pas trouver les bons mots. J'ai tellement faim les mots, je trouve même pas de chute à ma chanson. Faut dire qu'il est 4h 19h00, j'ai fini toutes les bouteilles à ma disposition, elle m'a toujours pas répondu. Et moi j'attends transit, j'espère au moins que c'est pas foutu. J'y crois vraiment cette fois-ci, j'ai peut-être dit une connerie. Ou bien elle s'est juste endormie, d'ailleurs je vais dormir moi aussi, je verrai demain. Si elle m'écrit, j'espère vraiment que cette fois je toucherai le gros lot. Car je crois que j'ai trouvé les bons mots. Maintenant, après tout ce temps, c'est quand l'avenir, le moment de partir, pour se laisser vivre, aux portes du vent, devant les océans. Tu me disais, pardon, je te fuis, prenons une autre route, loin de tes doutes. Déplaçons les dunes de nos plages d'automne pour y planter des vignes sous un ciel plus digne. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir du lendemain. Tu me disais, qui sont les fils du cœur un tendre manteau qui nous tiendra chaud, à l'abri des démons, à l'abri des mensonges, pour nous construire un monde à l'âme vagabonde. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir de lendemain. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir de lendemain. Tu me disais, tends-moi les bras plus forts, donne-moi le courage pour sortir de l'orage et trouver un éclair au creux de nos nuages. Plus grand mes yeux pour te comprendre mieux. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, d'espoir du lendemain. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, d'espoir du lendemain. Tu me diras, voilà le maintenant, après tout ce temps, nous touchons l'avenir, il est l'heure de partir, pour se laisser vivre, aux portes du vent, devant les océans, sans attendre toujours, de trouver le chemin, des portes de l'amour, espoir de l'amour. Sans attendre toujours de trouver le chemin des portes de l'amour, espoir du lendemain. Sans attendre toujours Voilà, c'était Monsieur Manu Lorca, juste après Mathis Poulain. Alors le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, c'est un morceau qui est tiré de l'album Décollement de Routine. Et le morceau, c'est Tu me disais. Et puis justement, on fait un petit coucou à Manu qui nous écoute régulièrement, qui nous envoie des petits messages aussi, et qui va bientôt, voilà, on est en train de voir pour trouver une date pour qu'il vienne dans les studios de Radio Arc-en-Ciel une deuxième fois. Voilà, en tout cas, ça nous fait beaucoup plaisir. Et quand je pense que certaines radios sont obligés de mettre des quotas pour passer de la musique française. Et nous, dans l'émission Mavrica, ben, on fait attention à rien et puis on passe énormément de musique française. C'est bien. Ouais, bah oui, c'est quand on a des bons artistes dans la région qui chantent en français. Je suis en train de regarder. Alors, ça va être simple. Il y a une, deux, forcément. Pratiquement, il y a que ça. Hein. En plus, parce que. Ah non, il y a My Tyler is Beach tout à l'heure. Mais c'est vrai que. Et on se force même pas. En plus de ça, t'as un gaillard qui fait de la chanson française. Donc, ouais, ça joue peut-être aussi. Ça joue forcément, effectivement. Parce qu'il y a des fois, on fait des émissions plus chansons françaises, des fois des émissions plus punk, des fois, comme la dernière fois avec les turn-off, c'était du ska. Et c'est vrai que le ska, c'est bien, c'est entraînant, et c'est assez rare de l'écouter dans la radio. Donc, la semaine dernière, on était une radio ska. Et ce soir, plus chanson française. Et là, on vient d'écouter un grand monsieur, tu le connais, Manu Lorca? Ouais, on s'est déjà croisé. Il a une sacrée voix. Moi, j'aime bien sa voix puissante. Un peu comme les chanteurs. Bon, on le compare souvent, il a une voix un peu comme Johnny Hallyday. D'ailleurs, c'est pas mal. Ouais, puissante, tu sais. Ouais, c'est ça, oui, il y a une certaine puissance. Ouais. Et puis, en plus, moi, j'aime bien comment il a enregistré cet album, c'est qu'il est enregistré dans les conditions avec une grande orchestration, peu comme dans les années 70 avec on parlait de Johnny Hallyday, Michel Sardou, tout ça, vraiment c'est vachement élaboré et en tout cas ça envoie du bois comme on a l'habitude de le dire dans l'émission d'Amérique. Et donc Manu, je sais qu'il nous écoute régulièrement, et ben on lui fait un petit coucou et puis vivement qu'il revienne dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ça sera dans les prochains mois, hein, ça va se faire, hein, y a pas de souci. Voilà, la semaine prochaine, justement, on n'a toujours personne. Hein. Si vous voulez venir dans l'émission Mavrica, vous pouvez encore me contacter, ça peut se faire. Hein. Ça s'est déjà fait des fois. Alors moi, j'évite à 3 jours de préparer une émission, c'est pas toujours facile. Mais à une semaine, ça se fait très très bien. J'ai l'habitude de faire l'affiche le dimanche soir, l'affiche de l'émission d'après. Après, je fais les photos le lundi de l'émission d'avant. Il y a tout un truc. Sinon tu dors un peu. Peu, non ouais, ouais. Ça m'arrive des fois même devant l'ordinateur, je me pique dîner. Non, voilà, il y a quand même des choses. Et c'est vrai que bon, on en fait un petit peu moins parce qu'à une époque il y avait les vidéos et tout ça. Je peux pas tout gérer, donc pour l'instant c'est comme ça. Mais bon, si jamais il y a un vidéaste qui est intéressé et s'il y a un assistant une personne qui a envie de venir dans l'émission Mavrica, on peut commencer à voir ça parce que moi j'aimerais bien retrouver un petit peu un assistant dans l'émission Mavrica qui soit avec moi, qui accueille les artistes et qui soit passionné comme moi pour. C'est vrai que ouais, je me souviens que la dernière fois, justement, en juin 2019, Didier avait. Était justement à la vidéo et je me souviens de cette vidéo de cette chanson sur un banc. Tu vois, tu parlais là de mes chansons là, de cet album. Ouais, c'est une chanson qui a toujours une bonne aura, tu vois, qui touche vachement. Je me souviens que Didier. On avait parlé après justement en disant waouh. Paco aussi, tu vois, voilà, et c'est d'autant plus touchant quand t'as des gens qui sont pas forcément à écouter principalement de la chanson française, mais qui arrivent en te disant là tu m'as touché, là tu m'as cueilli. Et voilà, et ça se voyait aussi un petit peu dans sa façon de filmer, finalement, tu vois, ça, c'était plutôt bien retranscrit. Voilà, c'était chouette. Très bien, en tout cas, on refait un petit coucou à notre ami Didier, hein, parce que franchement, et puis il revient dans l'émission quand il veut, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a écouté Manu Lorca. On a parlé tout à l'heure de tes projets, donc cet album. Donc j'ai partagé le lien pour participer à cet album pour les gens qui veulent justement t'aider à faire cet album, parce que ça a un coût, hein, mine de rien. Il y a quand même beaucoup de travail. Et puis finalement, il y a beaucoup de choses que tu fais toi-même. Oui. Bon, tu composes, tu interprètes, tu écris tes textes. Après, ça va être enregistré dans les mêmes conditions que le précédent Oui. Donc toujours, tu fais confiance toujours au même. Oui. donc Alexis, c'est hein, ça. On lui fait un petit coucou aussi. Donc lui, c'est un super musicien, ouais. Et c'est aussi un super technicien. C'est oui. Quelqu'un qui touche sa bille dans la technique. Ouais, et, ouais, qui... et puis qui du coup, en plus, cette faculté d'apporter sa petite touche, enfin du moins sa grosse touche là par rapport justement aux arrangements qu'il peut me proposer, qu'il peut faire, qu'il peut jouer, voilà, moi des fois ça me sort aussi un petit peu de la zone de confort et c'est ça qui est intéressant et c'est aussi ce que j'aime dans ces notions de partage, alors que ce soit déjà avec le travail avec Alex, et c'est pour ça d'ailleurs que je lui ai proposé de retravailler ensemble sur ce nouveau projet. C'est aussi comme ça que, tu vois, là, par exemple, le duo avec Mathis, on n'est pas forcément sur une touche, sur une teinte que moi, j'aurais pu composer tout seul, tu vois. Et enfin, voilà, c'est aussi un petit peu pour ça, c'est aussi par ce goût de partage que, ben voilà, il devrait y avoir trois duos sur ce prochain album. D'accord. Et c'est vrai que le fait d'avoir un technicien, bon, c'est pas toujours évident entre un artiste et un technicien de parler, parce que des fois le technicien il pense à ses machines, il pense à ses logiciels, il pense à ses prises de son, ses micros, etc. Et après il y a l'artiste qui lui il a une émotion à faire passer. Et c'est pas l'artiste est un peu con hein, aussi. Hein, je crois que les deux ont une part quand même de responsabilité dans la communication qui ne passe pas forcément. Mais là, finalement, c'est un plus parce que non seulement c'est un technicien, mais en plus il est en même temps artiste. Donc il comprend mieux ce que tu as envie de faire passer peut-être et oui. Comment le faire et comment t'aider aussi à rajouter quelque chose que lui pourra faire enrichir encore un peu plus. Donc voilà, c'est un travail que vous avez fait entre vous deux. Et puis ouais. Finalement qui porte ses fruits. Et quoi. Puis c'est le rôle finalement, tu vois, d'un réalisateur, quoi. Tout à fait. Parce que bon, les techniciens, il faut trouver le bon, hein, parce que ouais. Des fois ça va bien avec tel style de musique, tel artiste, et avec un autre ça passe pas. J'ai été à plusieurs enregistrements d'artistes différents dans plusieurs studios différents. J'ai cette chance-là parce que je connais pas mal de personnes et j'ai vu certains avec lesquels ça se passait super bien et d'autres avec lesquels ça allait pas. Parce qu'on lui a imposé une certaine chose et l'artiste n'était pas dans son élément et ça passait pas et ça allait pas. Au bout d'un moment, il était perturbé. C'est dommage. C'est dommage. Parce que ce qu'il faut justement, c'est l'encourager et puis essayer de même si c'est pas tout à fait comme le technicien voulait, essayer de l'envoyer dans cette voie-là parce que lui, il va pouvoir l'enrichir de son côté aussi. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais ça se fait dans la douceur, ça se fait dans le dialogue, dans la compréhension. Puis de temps en temps, il faut aussi pas s'acharner. Quand ça va pas, ça va pas. On arrête, on va boire un petit coup et puis on revient après. Et puis, des fois, ça va tout seul. Donc exactement. Il faut bien s'entendre avec le technicien. Voilà. Oui, parce que sinon, quelque part, je pense que ça s'entend en plus. Ouais, parce que c'est comme les groupes. Il y en a pas mal qui viennent ici. Ils me disent, nous, on est une bande de copains et tout ça. Mais je crois que les groupes qui sont juste pour faire de la musique ensemble et rien d'autre. Je pense que ça ne dure pas très longtemps parce que c'est quand même le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager des choses et tout ça. Ouais. Et puis il y a la musique et il y a peut-être aussi d'autres choses. L'humour, voilà, on passe un moment ensemble, on boit un coup, on mange ensemble, on se rend compte. Voilà, c'est plus que des simples musiciens, c'est une bande d'amis. Et les groupes qui durent longtemps, souvent, c'est comme ça. C'est ça. Voilà, donc la complicité, ça c'est important. Exactement. Voilà, donc on arrive bientôt à c'est la dernière demi-heure qui est commencée déjà, hein. 2h30 déjà sont passées, on n'a pas vu le temps passer. On a encore plein de choses à dire, il va falloir que tu reviennes encore une prochaine fois, il n'y a pas de souci. avec sûrement ton album ou si tu as envie de venir entre-temps, voilà. Alors il va sortir sur les plateformes. Oui. Il va sortir, et déjà tes disques, ils y sont aussi hein, sur les plateformes. Oui, alors c'est pas toujours facile de me trouver. Parce que j'ai une fiche artiste sur Deezer. Sur Spotify, je suis un peu mélangé à d'autres mourades. Oui, effectivement, moi je suis tombé sur des mourades, mais c'était mais pas toi. Mais non. Plus chevelu que moi aussi. Au même temps, c'est quand même un nom qui est assez répandu dans le monde, hein, donc pas forcément. Mais écoute, je crois que le plus simple pour me trouver en streaming, voilà, c'est de taper Mourad, on en parle. Donc je rappelle, hein, on en parle, c'est le nom de mon premier album. Et puis à partir de là, ça devrait dérouler. Puis sinon, via les réseaux sociaux. Mais ouais, non, je suis sur Deezer, Spotify. Je crois que je suis sur iTunes aussi. Enfin voilà, je suis sur YouTube. D'accord. Ok. Et puis l'album, si on veut se le procurer, on fait comment? Bon, viens me voir. Non. Bah déjà, alors, première chose, déjà au concert. Bah oui, mais oui, mais en fait, pour avoir une petite griffure, parce que toi, tu vois, justement, tu dis, ah bah tiens, j'ai oublié ma dédicace. Ouais. Non, bah, mais parce que c'est aussi bien sympathique de pouvoir discuter. Moi, j'aime bien discuter, hein, au cas où les gens ne l'aient pas encore entendu. Sinon, il y a, alors oui, si, je crois qu'il y a toujours les espaces culture Leclerc. Donc sur la périphérie d'Orléans, donc plus précisément à Chessy et à Olivet, qui l'ont aussi en vente. Voilà, merci à eux, parce qu'ils sont toujours de très bons relais pour la vente des locaux. Sinon, il y a aussi la possibilité, toujours par correspondance, hein, il y a moyen aussi de pouvoir s'arranger. Dans ces cas-là, pareil, via les réseaux sociaux, un petit message privé. Et puis on se dit comment on peut s'organiser, mais enfin voilà, des paiements PayPal, aujourd'hui on l'a dit aussi tout à l'heure, hein, avec les nouvelles technologies, on peut faire plein de choses. Donc autant en profiter, hein, que ce soit des bons outils, hein, qu'on les utilise à bon escient, c'est une bonne chose, hein, parce que c'est vrai qu'il faut aussi se méfier des mêmes choses, hein. Une chose qui rapproche les gens peut aussi les rendre la communication plus difficile. Voilà. Très bien. Donc toi tu es au courant des nouvelles technologies, tout ça, tu te sers de tout ça, et puis voilà. Et ce soir, on est dans une vieille technologie, la radio FM. Ah ben c'est bien. Mais ça, on peut aussi nous écouter sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà. Oui, et d'ailleurs, je vois via les réseaux sociaux qu'il y a des gens, hein, qui t'écoutent, et qui t'écoutent par Internet, puisque sur la bande FM, c'est pas possible. Genre des personnes qui peuvent habiter du côté de Bordeaux, par exemple. Ou même Lyon, hein, je crois, hein, aussi. Voilà, qui par mes partages, là, en fait, nous écoute ce soir. Alors, depuis tout à l'heure, on a pas mal de petits messages et j'ai un petit peu lâché le truc, j'arrive plus à suivre. Mais bon, ça fait plaisir. Vous inquiétez pas, je vous ferai les petits coucou, je répondrai à vos questions si vous avez des questions. Mais là, en direct, c'est un petit peu compliqué. Donc, je le fais tant que je peux, mais au bout d'un moment, là j'ai lâché l'affaire. Au bout d'un moment, j'étais un petit peu dépassé. Vous inquiétez pas, on est content d'avoir de l'inquiétude. Interactivité, c'est comme ça qu'on dit, dans l'émission Mavrika. Et donc, nous, on diffuse la musique pour les auditeurs et on est content d'avoir aussi le retour des auditeurs. Ça, c'est quelque chose qui nous fait très plaisir. Voilà, donc, il y aura donc prochainement le nouvel album. Ça sera en principe vers septembre. La date n'est pas encore tout à fait arrêtée, mais allez sur le Facebook de Mourad pour être au courant. Il y aura donc, ça sera donc disponible en numérique sur les plateformes. Il y aura aussi le CD. La bonne vieille version CD. Un vinyle, non? Non. Tu es pas vinyle, toi, non? Tu les as rangés dans ton... Alors oui, moi je les ai rangés. C'est vrai que j'ai même plus de quoi les lire. Je dis ça alors que j'ai l'air des fois d'un dinosaure en disant, mais bien sûr, je peux encore écouter des CD chez moi, avec une chanifi, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, c'est ça, voilà. C'est Attends, j'étais en train de penser à des bêtises encore. Mais non, la bonne vieille version CD, quoi. Toujours le vinyle, non, parce que, en plus, là, faut pas se leurrer, hein. C'est un coût encore. Même si, tu vois, le vinyle, c'est même très cher. Hein, j'ai conscience que il y a donc encore pas mal de, enfin il y a aujourd'hui pas mal de personnes qui achètent le CD. C'est finalement pour le goût de l'objet. Mmh, et c'est aussi pour ça que on travaille toujours à faire un bel objet. C'est-à-dire que moi là, par exemple, on en parle, c'était ce qu'on appelle un digipack, donc petit carton, avec le petit livret, Livret intérieur, ça fait plaisir, il y a les paroles dedans, c'est cool, enfin voilà, des belles images, bien prendre aussi soin de citer tout le monde, la petite bafouille, enfin voilà quoi, tout ça c'est important, mais je sais qu'il y a des gens, ouais, qui achètent le disque sans pour autant l'écouter via, enfin par cet intermédiaire là. Donc le vinyle, ça peut être aussi pareil, même si la platine en fait revient de plus en plus quand même dans les maisons. Mine de rien, sur ce qu'on appelle le merchandising, donc les ventes à la sortie de concert, ça se fait de plus en plus. Mais il faudrait que je sois vraiment assuré de pouvoir en dépoter, quoi, parce que en termes de production, ça coûte, quoi. ça coûte de faire du vinyle. Ah oui, tout à fait. Et puis donc, là, en plus, ça a augmenté. Il n'y a plus de matières premières, donc ça coûte encore plus cher. Peut-être qu'il y aura une édition spéciale vinyle pour l'enregistrement de l'Olympia. C'est pour quand? Pour l'année prochaine? 2032, on y travaille. Ok. Non, mais c'est bien d'en parler parce qu'il y en a certains, ils tiennent vraiment, ils disent l'enregistrement, c'est le vinyle, quoi. Le disque, quand on parle d'un disque, c'est un vinyle. Mais donc ils sortent les CD, tout ça. Mais bon, pour eux, c'est l'objet est important. Et puis, t'as dû le voir aussi. Hein, j'ai des CD ici. non, je suis toujours vivant, hein, mais je les ai apportés ici avec moi dans ma valise. Mais je numérise tout. Hein, c'est-à-dire une fois chez moi, je les numérise. Pourquoi? Pour les avoir sur mon ordinateur, parce que je peux pas me trimballer avec tous les CD que j'ai. J'ai plusieurs valises. Là, j'en ai ramené une ce soir, parce que ce qui m'arrive assez rarement, parce qu'il y avait tes CD dedans. Donc, je me suis dit, tiens, je vais en amener quand même plusieurs et on va les écouter. Mais sinon, j'essaie de numériser au maximum de manière à avoir tout sur mon petit ordinateur. Je viens juste avec mon petit ordinateur et tout est dedans. C'est la technologie, c'est la facilité ça. Aussi. Je vais te raconter du coup la petite anecdote là, qui me faisait sourire tout à l'heure. Vas-y. Parce que tu sais, cette vieille. Cette vieille question, ouais, c'est une vieille question en fait aujourd'hui. Quels sont les 5 albums que tu emmènerais sur une île déserte? Quoi les 5 disques? Donc, et j'avais cette conversation il y a de ça 8-10 jours avec mon fils qui est un grand ado aujourd'hui. Et donc on était en train de discuter de ça, on était en train d'échanger. Moi ce serait ça. Puis d'un coup j'ai dit c'est même plus d'actualité. C'est quoi cette question pourrie de vieux, quoi, en fait. Aujourd'hui, ce serait plus, sur ta carte SD. Enfin, c'est quoi tes 64 gigas de musique que t'emmènerais sur une île déserte? c'est un peu ça. Ah, avec 64 gigas, je peux quand même pas mal en emmener, en fait. Ouais, limite, emmener toute ma disco, quoi. Et puis aujourd'hui, sur une clé USB, on peut mettre énormément de choses. Il faudrait une grande discothèque pour pouvoir les ranger à la maison. Mais par contre, il n'y a pas à dire quand même. Je ne vais pas jouer aux puristes. Bien sûr, faut aussi matériel, casque ou quoi. De la musique aplatie, de la musique MP3, c'est quand même pas pareil qu'une musique. C'est tout à fait. La musique compressée, c'est vachement chouette. Ça s'emmène partout, ça prend pas de place. Mais il y a toujours un mec, quoi, en fait. Quand on a l'occasion. J'invite les gens en fait à faire le test, à écouter dans des bonnes conditions de la musique, et là d'un coup un orchestre qui est quel que soit le nombre d'instruments, au bout d'un moment on finit aussi par bien les entendre et autrement aussi, ça c'est chouette. Après ça demande un certain temps, c'est vrai que dans la vie aujourd'hui on découvrait un morceau, par exemple, à la radio, déjà, on savait pas ce que c'était. Donc, il fallait écouter l'animateur pour savoir le titre. Aujourd'hui, on peut très bien, avec des applications sur le téléphone, savoir quel artiste est passé n'importe quel moment. Bon, il y a plein n'importe quoi. On écoute un film, il y a une musique qui nous plaît, hop, on trouve, on a le morceau. On peut l'avoir tout de suite. En fait, c'est pour tout un tas de trucs. Finalement, tiens, tu vois, c'est comme là, si on parle un peu de télé, pour les séries, c'est pareil. Avant, il fallait attendre la semaine suivante pour avoir l'épisode suivant. Maintenant, aujourd'hui, on regarde plusieurs saisons en un week-end. Voilà, c'est ça. Nous livre tout d'un bloc en disant il y a toute la saison là, ça y est, elle est disponible. Et même après, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, limite les gens râlent quand la plateforme en question va faire le choix de diffuser un épisode par semaine. En disant comment ça se fait? Moi, j'attends qu'il y ait tout pour tout regarder. Non mais c'est vrai qu'on ne sait plus attendre. Mais quelque part, on a tout de suite et on ne prend pas le temps. Par exemple, on parle de la musique, on peut avoir plein d'albums le même jour, mais on va les écouter tellement rapidement qu'on ne va même pas faire attention. Alors qu'avant, on le méritait. On avait un morceau qui nous plaisait. On allait chez le disquaire, on dit j'ai le nom, mais il me manque le nom de l'album, ou j'ai le nom de l'album, mais je sais pas le. Et puis le gars, attendez, je recherche. Et puis il cherchait avec ses moyens aussi, avec sa connaissance. Et puis des fois, on arrivait à avoir le morceau. Des fois, il fallait même le commander, l'album. Et l'album, quand il arrivait, on était content, on allait le chercher, et puis on le mettait sur la platine, et on l'écoutait en boucle. Les albums qu'on écoutait plusieurs fois. Et après, il y a aussi le fait qu'un album sur un vinyle, le temps qu'il y a entre deux morceaux est toujours le même. Quand on l'écoute dans l'ordre, il est toujours là. Oui. Et quand on l'écoute en numérique, on peut très bien, avec un lecteur, avoir une seconde, avec un autre lecteur en avoir un peu plus, l'autre carrément un genre mixage entre les deux. Oui. Voilà, donc, et avant, non, c'était, l'enregistrement était comme ça, et puis il bougeait pas. Voilà, c'est une autre époque, mais bon, aujourd'hui, on peut très bien écouter dans ces conditions-là aussi. Il suffit de prendre le temps. On va finir vieux con, hein, dis donc. Voilà, ou peut-être, mais bon, nous on était jeunes quand on écoutait comme ça. C'est ça. Donc les jeunes peuvent le faire aussi, il n'y a pas de souci. Très bien. Et en plus, la semaine dernière, on parlait d'un truc comme ça, et puis j'avais aussi une auditrice qui me disait moi j'ai 19 ans et j'écoute des cassettes. Waouh. Je viens de racheter un Walkman. Excellent. Donc, voilà, comme quoi. Le Sony, rouge. Oui, Walkman, oui, effectivement, c'était cette marque-là. Et après, il y avait aussi tous les baladeurs qui avaient été faits. Et après, ils avaient fait le mini-disque, etc. Il y avait le CD aussi. Ah, le mini-disque, mais... ça n'a pas marché très, très longtemps. Ouais, mais ça n'a pas marché aussi longtemps que la cassette. C'est vrai que la cassette, c'était quelque chose. Oui, le CD aussi, enfin, tu vois. Bon, finalement, il y en a encore dans les rayons aussi. On continue un petit peu à en vendre, mais même, enfin. Voilà, le CD, c'est années 90, début des années 90. Ouais, quand même, ça a réussi à durer un petit peu. Ouais, et puis aujourd'hui, c'est encore la référence. Hein, quand on parle de musique, voilà, on a la qualité CD. Bon, c'est la qualité qu'on écoute en hi-fi. Après, il y a des qualités supérieures, mais après, bon. Mais ça reste encore une référence, même si après, on le numérise et on l'écoute d'une autre manière. Mais quand on veut un album et le garder, je crois que c'est ce qu'on prend. Ou un vinyle, ou un CD, quoi. Ouais. Voilà. Très bien, le temps passe très vite. Donc, tu as encore un morceau à interpréter. Oui. Alors, quel est ce morceau? Des vieux cons. Non, bienvenue au club. Donc, j'arrête la petite musique de fond. On va remettre ta guitare. Voilà. Ah ouais, on sent la résonance. On va baisser un peu ton micro. Et donc, tu peux interpréter ton morceau. Que nous sommes ensemble, on a instauré, il me semble, ce qui nous paraissait le mieux. Non pas que je nous sente si vieux, nos attentions si passionnées sont devenues des gestes habitués. Les baisers de tous les jours avec lesquels on se dit bonjour et qu'on se souhaite une bonne journée, prend-on le temps de se regarder sur la bouche d'abord passionnée. Ça va finir sur le front collé. Quand je vois nos deux petites mines et tout ce qui nous enracine, il faut que l'on fasse attention à ne pas devenir des vieux cons. Toi tu fais la liste de courses, moi je tiens le cordon de la bourse. Sans ton yoga du mercredi, je mettrai pas les enfants au lit. Quand je rentre, les mains fleuries, tu crains que j'ai fait une connerie. On a toujours trouvé magique de se comprendre par nos mimiques. On se connaît tellement par cœur qu'on ferme les yeux sur nos erreurs. Si on levait nos petits mouchoirs pour à nouveau nous émouvoir. Quand je vois nos deux petites mines et tout ce qui nous enracine, il faut que l'on fasse attention à ne pas devenir des vieux cons. Ne va pas faire de détour aujourd'hui quand on fait l'amour. Est-ce que nos actes spontanés par des rituels sont remplacés? Je devrais me poser des questions. Tu dis que la douche manque de pression. Ça va finir devant le 20h, chacun son plat de chercher l'erreur. Le visage flasque et rempli de rides, s'endormant devant l'éphéméride, rythmé par la télévision. On a tant de conversations. quand je vois nos deux petites mines et tout ce qui nous enracine. Il faut que l'on fasse attention à ne pas devenir des vieux cons. Bravo. Encore un superbe sujet. Franchement, tu trouves des choses, voilà, qui touchent beaucoup de gens. Et puis, je crois qu'on se reconnaît tous, les gens qui vivent en couple depuis un certain temps. Voilà, c'est un peu la routine. La routine tue. Donc, il faut innover. Il faut toujours exactement surprendre l'autre. Tout à et fait. Donc, c'est toute une démarche. Et c'est vrai qu'en vieillissant, on a tendance à mettre ses chaussons et puis se mettre. Oui, voilà. On pense que ça rassure. Voilà, très bien, superbe chanson. Merci. Les vieux cons, c'est ça. C'est ça. Voilà, très bien. Ben, on marquera ça sur le programme de l'émission Mavrika. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Tu m'avais aussi apporté un autre morceau aussi. C'est le dernier qu'on n'a pas passé encore. C'est Sist. Solstice. Alors solstice. Ouais, ça se prononce solstice. Ça s'écrit. D'accord. Prononce solstice. Solstice. Ouais. Voilà. Et c'est. Et ben en fait, c'est Pierre que j'ai croisé sur une scène à Bourges, qui est avec un projet qui s'appelle Alali. Mais pareil là, tu vois, il a un projet chanson française. Et donc son titre là, c'est. Je l'ai emmené là avec moi ce soir. Et pour le petit clin d'œil, la petite promo, je ne veux pas raconter de bêtises, mais je crois le 24 mars, il sera en concert au Café 2 à Lailly-en-Val. D'accord, Café de la mairie. Exactement. Voilà, Lailly-en-Val, tiens, hein, on avait cité tout à l'heure des endroits, ça c'est un endroit aussi où je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Et c'est vrai que souvent, à une époque, c'était souvent le vendredi soir. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas été. Mais en tout cas, on les remercie pour tout ce qu'ils font pour les artistes. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer les personnes qui s'en occupent. C'est super génial. Donc, Lailly-en-Val, le café de la mairie. C'est ça. Voilà. Bah, très bien. On va écouter donc. Comment tu me dis ? Solstice. Donc, c'est. Solstice, c'est quand. Quand c'est les journées les plus longues et les plus courtes. Hein, c'est ça. Solstice d'hiver, solstice d'été. C'est ça. Voilà. Bientôt, ça sera l'équinoxe. Ouais. Un peu de culture dans l'émission Mavrika. On écoute tout de suite. Moi, je découvre. Hein. C'est toi. Super. Qui. Donc, on va écouter ensemble. On va tous découvrir ensemble. Et puis après, on en reparle encore un petit peu si tu veux. Ah, ben, avec plaisir. Cette ville marine où s'insuffle le vent. Le vent qui prend les cœurs, les emplit puis les rend. Le vent moelleux et tiède qui pousse vers l'amour. Grande découverte dans l'émission Maverica, l'atmosphère en particulier, une manière de chanter avec une, il y a une ambiance, il y a quelque chose de super bien. Et donc ce morceau s'appelle Anima Altra. C'est ça. Tu sais ce que ça veut dire en latin ? Non, c'est du latin. Hein. Moi non plus, mais en tout cas c'était très bien interprété. Et donc c'était une découverte dans l'émission Maverica. Grâce à toi, on a découvert Solstice. Eh ben écoute, j'en suis ravi. Voilà, l'émission avance très vite. Il est quelle heure? Ah oui, normalement elle est pratiquement finie. Elle est finie dans une minute. Bon, on va dépasser un petit peu parce qu'on va quand même dire merci à tous les gens qui ont écouté l'émission, à tous ceux qui ont participé directement ou indirectement. Juste le fait de nous écouter, ça nous fait vraiment plaisir. On arrive à la fin de cette émission, donc on a l'habitude de dire les phrases magiques. La première phrase magique, c'est que rock and roll soit avec vous. Que la musique en général, hein, voilà, c'est ce que je veux dire. La deuxième, c'est Everything is gonna be alright. Et la troisième, c'est Une vie sans musique serait une erreur. Voilà, c'est des phrases qu'on dit régulièrement dans l'émission Maverica. Et puis, donc, la semaine prochaine, pour l'instant, il n'y a pas d'invité. Donc, si vous avez encore une disponibilité pour vendredi prochain et que vous êtes un artiste, vous avez envie de proposer présenter votre travail, vous pouvez me contacter sur le Facebook de l'émission. Je pense que c'est le plus simple. Sinon, il y a aussi l'adresse mail. Maverica@live.fr, ça peut pas être plus simple. Sinon, la semaine d'après, il y aura donc Roraima qui sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, si vous aimez la musique électronique, ça sera l'occasion de découvrir donc ce groupe orléanais de trip hop. Pour la 499e. Ouais, c'est ça. En tous les cas, ils peuvent tous arriver en toute confiance. Merci à nouveau à toi pour ton accueil. Ça fait vraiment plaisir. Mais ce que je trouve, c'est que j'ai pas vu le temps passer. Écoute, va regarder aussi les commentaires là sur ta publication. Merci d'ailleurs pour tous ces petits commentaires. Il y en a plein. Fort sympathiques qui disent aussi que le temps est très vite passé. Mais tu vois, c'est ton goût aussi pour la musique en règle générale, c'est ta passion qui transpire en fait au travers de ton micro et qui fait que on voit pas le temps passer. En tout cas, ça fait plaisir et tu le dis tellement bien. Faudrait que tu viennes animer plus souvent avec moi parce que en tout cas ça pourrait être rigolo. Tu vois, tout à l'heure quand tu disais tu parlais d'inviter les gens. Tiens, Mathis, le jour où il viendra, je passerai de l'autre côté avec toi. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. À la limite, tu prendras les commandes de la console et tu feras l'émission. Et moi, je passerai de l'autre côté avec Mathis. Ah, génial. Pourquoi pas? Ça peut être hyper marrant. Très bien. Donc effectivement, le temps passe très vite. Et c'est vrai que quand on fait quelque chose avec passion, on essaie de le transmettre aux autres personnes. Donc forcément, c'est comme ça que ça marche. Si je venais ici contraint et forcé, je pense qu'au bout d'un moment, l'émission, ça se ressentirait dans l'émission. Donc voilà, nous, on continue. On aime la musique, on aime partager des bons moments avec des artistes. Encore. Et dernièrement, à chaque fois, je rentre chez moi et puis... je parle à mon épouse et puis je lui dis, tiens, on a passé un super moment, il y avait un tel, on a parlé de ça, on a parlé de ci, on a de ça. Elle écoute l'émission, mais des fois pas tout complètement. Donc je raconte un peu ce qui s'est passé. Et puis je lui parle aussi de ce qui se passe en coulisses, parce que on est là, on parle à l'antenne, mais il y a aussi tout ce qui utilise à côté. On se voit pendant les morceaux. À la fin, on boit un petit coup ensemble avant de partir. On prend des photos. Les photos, c'est un moment d'amusement aussi, de rigolade. Donc, et après, ça crée des souvenirs. Donc, tous ces moments-là, c'est des moments privilégiés. Moi, j'ai cette chance-là dans l'émission Mavrika d'avoir des grands artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et de passer des bons moments avec eux. Et certains, bah, comme toi, sont devenus des amis, quoi. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Super. Voilà, cette émission arrive à sa fin, donc je pense qu'on n'a rien oublié. Hein. On avait tellement de choses à dire qu'on arrive à la fin, on a toujours peur. On n'a rien oublié, mais on pourrait continuer quand même encore à en dire. Hein, mais, oui, c'est sûr. Ça sera l'occasion. Je crois qu'on a déjà quand même pas mal parlé du coup du projet à venir, de ce qu'il pouvait y avoir dedans, de ce qu'il pourrait y avoir dedans. Donc, je crois que maintenant, on n'a plus qu'à se dire à bientôt. Mm-hmm. Voilà, donc c'est un peu comme quand on part en voyage, on se dit est-ce que j'ai rien oublié, et au moment de fermer la valise, tu vois, on est un peu dans cette condition-là. Ben, je propose que justement on se quitte avec un dernier morceau de toi. Tout à l'heure on avait parlé d'un morceau qui s'appelle Sur un banc. Ouais. Donc c'est celui que j'ai calé. Il y en a plein à écouter. On n'a pas eu le temps de les écouter tous, mais dans les prochaines émissions, régulièrement, dès que j'ai un peu de temps, je passe un petit peu un petit morceau de tes albums. Super, de Mourad. Merci. Donc voilà. Donc on va souhaiter à nos auditeurs une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine, et à vendredi prochain, donc dans l'émission Mavrika à partir de 19h. Génial. Voilà, belle merci soirée. Mourad, et puis à très bientôt. Hein. À bientôt. Façon, ouais. On garde le contact, on se tient au courant, et dès qu'il y a de la nouveauté, dès que tu as envie de venir, de toute façon, tu viens. Même si c'est, par exemple, je reçois un artiste, et tu dis, tiens, j'aimerais bien le rencontrer. Tu viens, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Ça marche. Okay. Très bien. Merci. Donc, à la semaine prochaine pour l'émission numéro 498. Bon, ben oui, la musique, elle part pas. C'est bizarre. Bon, ben... On a... Il fallait que ça nous arrive au dernier moment là. Alors ça, le lecteur tourne, mais alors ça part pas. Bon, ben on va essayer de faire en sorte de le faire fonctionner. Hein. On est vraiment en direct live. Ça s'appelle de la censure, ça monsieur. Ouais. Non. Et tu sais qu'une fois j'écoutais, c'était une radio professionnelle, hein, où vraiment c'était des mecs et tout ça. Et le gars était embêté avec son CD. Il était un peu dans la même condition que moi. C'est-à-dire qu'il était en train de mettre son CD. Le CD voulait pas se lire. Ça tournait pas. Et le gars, il était complètement paniqué. Il essayait de meubler comme il pouvait. Alors c'était une catastrophe. Mais alors, je me mettais à sa place et je me suis dit, quand ça arrive, c'est vrai qu'on est un petit peu dépourvu. Mais moi, dans l'émission Mavrika, j'ai quand même réussi à recaler le morceau. Et je propose qu'on écoute tout de suite donc le dernier morceau de cette émission qui s'appelle « Sur un banc ». Et c'est toi, Mourad. M'asseoir ici, j'aime bien regarder leur vie. Faut dire que ça me passe le temps, ça me le rappelle souvent. J'observe ce petit qui joue, ça va vous sembler fou, et je me mets à sourire, car au fond il m'inspire. Je me revois en ton sépia avec entre les doigts quelques billes, je ne sais quoi. J'avais la vie devant moi. On est riche à cet âge-là de tout ce qu'on ne sait pas. Un petit frisson parcourt. Et le présent reprend son cours. Insouciance et l'agile paraît, ils font comme s'il n'y avait qu'eux. C'est ça, être amoureux. L'instant semble figé dans leur bulle isolée, et je me mets à frémir. Je sens l'image me revenir. Je me souviens, je m'en foutais de ce qui nous entourait. Les regards s'allument. instant semblait fragile. Sous ton regard, j'étais fébrile. Dans tes yeux, moi, je voyageais. Un petit frisson parcourt. Et le présent reprend son cours. De donner la vie, poussant le quatre roues de celui qui devient tout à ses générations, qu'il profite tous à fond. Moi je le dis qu'aujourd'hui, face au film de ma vie, elle attend défiler. Je n'ai rien vu passer. Son parcours.